Alors, pour les amis de RQC et particulièrement pour les amis de 80 à l'heure, je vous dis bonjour, je vous aime, restez sur cette chaîne, c'est génial! À la clinique Les Épinards, à l'heure où le soleil décline. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, amis RQC et RQCN. Vous êtes bien sur RQC 95 FM dans l'émission 80 à l'heure avec, avec une belle brochette autour de la table ce soir. Alors oui, ce soir c'est Sherlock qui annonce l'émission, voilà. Ça change. Bah oui, parce que t'avais mais pas ça envie. Fait du bien, mais ça fait du bien, ça fait un peu George Lang, je trouve. Ah bah moi j'ai bien aimé, moi j'ai bien aimé, franchement. Ah oui, c'était très bien. Vas-y, alors, continue. Donc l'animateur que vous entendez à l'instant, c'est Harry. Bonsoir. Bonsoir Harry. Bonsoir, oui. Vas-y, continue, hein, débrouille-toi. Alors on a également, donc la grande gueule de l'émission qui est en train de rigoler, c'est Onissa. Bonsoir à tous, bonsoir Sherlock. Bonsoir Onissa. Bonsoir Onissa. Et ensuite, dans le coin, caché par la tablette, je vois que le haut, je vois que sa mèche, en fait. Je vois que la houppette. C'est ça. Alors explique que c'est ses cheveux. Sa mèche, il voit sa mèche, ses cheveux. Ouais, bien sûr. Il a été surnommé la plus belle mèche d'RQC. Je parle bien sûr de... La plus belle banane. Ah oui, la plus belle banane. On sait pas laquelle, par contre. Ouais. C'est pour ça que je dis la mèche. Oui, parce que la banane, c'est tendancieux. Il est un peu tout. Je parle donc de Flipcat. Bonsoir, Flipcat. Eh bien, bonsoir. Bonsoir Flipcat. Bonsoir à tous. Bonsoir Flipcat. Mais alors attends, on a une voix féminine, on lui a dit de pas parler, mais elle le fait quand même, elle dit bonsoir quand même, mais on va l'annoncer, évidemment. Ah bien sûr. Il n'y a que moi qui peux parler pour l'instant. Elle était prévue dans le sommaire. On devait la présenter dans le sommaire, mais bon, on va le faire tout de suite puisque c'est Marjorie qui est avec nous, Marjorie de Mullier. Bonsoir Marjorie. Qui a une actualité du tonnerre, c'est à la fois artistique et sportif. Ouais, non mais. Et sportive, actualité donc sportive. Et artistique, elle va nous en parler d'ici quelques minutes évidemment. Alors c'est à la fois du chant, c'est à la fois du sport, c'est un peu de tout. Donc voilà, donc ça ce sera d'ici quelques minutes. Il y a Canon, notre ami Canon qui pour des raisons donc professionnelles évidemment va arriver un peu plus tard, d'ici quelques minutes. Donc D'ailleurs c'est plus calme, ouais. On n'a pas entendu bonjour la France, bonjour le monde. Oui, bonjour la Belgique, bonjour les hommes, bonjour les femmes. Bonjour les femmes, surtout les femmes. Bonjour à forte poitrine, machin, blablabla. Cette fois-ci, you raise me up. Voilà. Alors ce soir, évidemment, on va parler de plein de bonnes choses. On parlera, de ce que vous avez vécu ce week-end, puisque vous nous avez fait un petit week-end de chant, d'ailleurs. Oui. Et ah ouais. Oui, Sherlock nous a épaté, dis donc. Ah, mais toi, tu n'étais pas au courant, mais Sherlock chante. Eh oui. Ah oui, il chante même très bien. Et oui, mais ça, on en parlera tout à l'heure, évidemment. On va faire une petite rétrospective de ce que vous avez vécu donc ce week-end. Et moi, je vais voir son t-shirt quand même. Et on verra son t-shirt. On verra à la radio, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Ah si, chez Canon, il va nous tirer une photo. J'ai bien dit tirer la photo. Hein. Ouais. Tirer la photo. Oui, il faut préciser. Parce qu'avec Canon, il faut toujours préciser. Absolument, il n'est pas là pour l'instant, donc ça va. Justement, on peut chambrer, voilà. On va le chambrer à mort, Canon, c'est clair. C'est la fête de Canon. Profitons. Alors, je vous parlerai aussi également donc de l'élection de Miss Waterloo. Et oui, puisque ça va avoir lieu samedi soir. Oui, hein. Exact. Yeah. Voilà, samedi soir, donc 12 candidates qui vont se succéder. Et quelles candidates? Et oui, pour aller rafler donc évidemment la couronne de Cassandre qui est Miss Waterloo 2016. Donc, ce sera l'élection de Miss Waterloo donc 2017. Onissa, tu nous as préparé un petit truc? Oui. C'est vrai? Oui. Tu vas nous parler de quoi? Eh bien, tu le verras. Non, j'entendrai. Ouais, je t'attendrai aussi. C'est juste le voir, hein. Franchement, ça m'intéresse pas trop. Hein. Ça dépend quoi, quand même. Hein. C'est pas très radiophonique, Onissa, hein, quand même. Justement. Après, on vous donnera évidemment le résultat du sondage pour savoir si on garde Onissa ou pas. Suspense. Ah oui! Est-ce qu'on va garder Onissa? C'est une. Eh voilà. Il paraît que Marjorie aurait voté pour toi, mais c'est peut-être une des seules. Hein. D'ailleurs, faut faire attention. Hein. Regarde, Sarkozy s'est fait sortir. C'est vrai. Les sondages, ça veut rien dire. Pourri, hein. Regarde, aux États-Unis, Trump est passé alors qu'il n'était pas premier dans les sondages. Ouais. Sarkozy était donné. Favori dans les sondages, il est pas passé. Ouais. Onissa, qu'en est-il d'Onissa? On le saura tout à l'heure. Ah, mais je suis pas partie favorite, moi, hein, attention. Hein, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a ça pour elle quand même. Elle est pas gagnée. Oui, j'ai dû quand même faire des épreuves. Et c'est pas fini, t'en feras d'autres. Je te le dis, t'en feras d'autres. Yes. Et on te retrouve à quelle heure alors? Ah bah quand vous voulez, je suis là jusqu'à tout, jusqu'à la fin. Oui, bah t'as intérêt, t'as signé, c'est pour aller jusqu'au bout. Flip 4, évidemment, alors oui. Ce soir une chronique assez particulière, mais bah, très intéressante. Parce que tu t'en souviens plus. Mais si, ah, je m'en souviens, si, mais je te le demande pour que ce soit toi qui la présente, évidemment. Oui, oui, oui, ben, ce soir, je vais vous parler des baseballs. Ah, j'adore. Vous connaissez les baseballs? Moi, j'aime bien, je découvre à chaque fois. Non, ça me dit rien, moi, les baseballs. Ah, c'est excellent. Alors, c'est un t'en as parlé la semaine dernière. Oui, ouais, voilà. Je me suis dit, ça doit être connu. Oui, mais j'ai pas été voir. J'ai pas été voir sur Internet. Hein. Eh ben, ça l'est. Je veux garder la surprise, ouais, ouais. Justement. C'est un groupe allemand, c'est ça. C'est un groupe berlinois, c'est un trio à la base. Puisque ce sont trois chanteurs. Ouais, puisque les musiciens bah sont forcément sont trio. Pas non, non, mais non, ce que je veux dire, c'est pas un trio, ils ne sont pas forcément les musicos. Ah, ils d'accord. Ont des musicos à côté, mais les baseballs ne sont que trois, les trois chanteurs principaux qui sont aussi musicos. Donc les baseballs. J'expliquerai ça tout à l'heure. Donc tu nous en parleras donc à 21h30. Oui, c'est bien exact. Ça. Sherlock, tu nous parleras évidemment à 21h donc du rétro ciné 80. C'est ça, oui. Ouais, alors est-ce que le nom de la rose, on va le trouver cette fois-ci, hein? Bah, oui, je pense quand même. Ouais, on va le trouver. Ouais, le film, mais ça y est, le sympa film, avec moi. Vous dites toujours, hein, on va trouver. Je suis nul là-dedans. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, les films des années 30, elle trouve toujours. Donc, mais bon, il faut que tu te mettes à regarder des films. Mais je n'ai pas que ça. Mais le problème avec moi non plus, Sherlock, le problème, c'est que pour Onissa, pour qu'elle trouve, il faut que tu lui fasses découvrir un film muet. Mais alors, c'est embêtant la radio, c'est un peu emmerdant. Avec une belle histoire d'amour. C'est pour ça qu'on regarde beaucoup de films de boules, en fait. Pardon ? Hein ? Non, j'en ai dit. Ça, c'est à partir de 22h. Voilà. Mais non, à 22h, évidemment, ce sera donc les sorties Cinoche. C'est ça, ouais. Voilà, donc tout est une belle programmation. Sans oublier que d'ici quelques minutes, juste après la coupure musicale, on va découvrir ou redécouvrir Marjorie, qui nous avait fait le plaisir de venir nous voir il y a quelques semaines. Mais cette fois-ci, elle vient nous parler d'elle, nous parler d'un défi... Extrême, absolument, absolument. Mmh. Ah, et donc, on ce avait sera... hâte. Juste après cette coupure musicale. Oui, on va commencer fort avec Madonna et Material Girl. J'adore. Yeah. Et ensuite, on va revenir avec l'affaire Louise Trio, Tout mais pas ça. Non, non, tout mais pas ça. J'adore. Coupe plus son micro. Non, je pense qu'on va faire mieux. Je vais couper tous les micros et on va s'écouter cette page de musique. Effectivement. Allez, c'est parti. Tout mais pas ça. rappelle. Elle n'arrête pas à me rappeler et me rappelle. Me rappelle sans cesse que si je la délaisse, oh oh, elle fera un malheur, oh oh oh. Elle tuera mon bonheur, oh oh oh oh. Elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Non, non. Elle n'arrête pas à me rappeler et me rappelle sans cesse que si je la délaisse, elle fera un malheur, elle tuera mon bonheur, elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Vous êtes toujours sur RQC, 95 FM, l'émission 80 à l'heure. Après avoir entendu ces deux titres que j'adore, je suis désolée pour les autres, Madonna, il rigole de moi, c'est pas bien. On ne rigole pas toi, on rigole avec toi, c'est pas pareil. Non, non, je rigole non, on rigole bien, moi. Donc Madonna, Material Girl, excusez-moi pour l'accent. Ouais. Et puis l'affaire Louis Trio, quoi, j'adore. Avec ? Non, non, tout, mais... Non, pas toute la chanson, juste le titre. Juste ça, voilà. Tu mets pas ça. Bon, alors ce soir, évidemment, on vous l'avait dit pendant le sommaire, on rencontre, enfin, on reçoit donc une... Alors, je sais pas, c'est un peu compliqué pour la présenter parce qu'elle est pluridisciplinaire, elle est à la fois artiste, elle est à la fois sportive, alors je sais pas comment te présenter, blonde. Marjorie. Et blonde. Mais ça, c'est un peu, bon, voilà, oui. Ça bon, se voit pas à la radio. Non, ça se voit pas à la radio, absolument. Alors, comment on doit te présenter, Marjorie, dis-moi? Marjorie, tout simplement, moi, aimant la vie, je pense, faite dingue amoureuse de la vie, surtout. Ouais. La vie m'a pas fait de cadeau, je crois, depuis un certain temps, à travers la maladie, à travers le cancer, etc. Mais j'en ai fait ma force. Ouais. Et quelle force, hein. Et, ben voilà, je pense que la vie, c'est un miracle, Steph. La vie, c'est un cadeau. Et chaque jour, c'est un emballage différent. Oh, c'est ouais, beau. C'est... Mmh. Ah ouais, non, mais des fois, on n'a pas envie de le déballer hein, quand même. Mais on s'en obligé. Fout. Parce que qu'importe ce que tu déballes ou pas, tu comprendras pas forcément le message aujourd'hui, mais demain, tu comprendras le pourquoi de ce cadeau. Aujourd'hui, tu as passé une journée peut-être de merde au boulot ou tu as des factures, mais aujourd'hui, tu es là. Tu as ouvert tes yeux. D'autres n'ont pas pu. Donc juste pour ça, soyons reconnaissants d'être en vie, d'être là en santé ou moins en santé, et qu'importe, moi je peux peut-être pas marcher correctement avec mes jambes, mais je fonctionne avec mon cœur et ma foi. Alors c'est vrai qu'il faut le rappeler, on va quand même le dire, hein, pour les gens qui te connaissent peut-être pas encore ou qui te découvrent à la radio, c'est que tu as un handicap, on peut en parler. Ouais, voilà, donc on m'a décelé, enfin en 2005, on m'a décelé la maladie, enfin... Je me suis levée, on était en vacances en Haute-Savoie, donc j'avais mes trois loulous, le petit dernier il était bébé. Et puis j'ai voulu me lever, ben paf, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à me tenir sur les jambes. Pour une sportive qui aime le sport, qui aime courir, qui boit pas, qui fume pas, qui se drogue pas, qui a une hygiène de vie super correcte, ben c'est un peu flippant. Ouais, carrément. Ouais. On était là-bas, dans les montagnes, t'as pas forcément ton dossier médical avec toi. Il y avait déjà quelques, enfin, on avait décelé une tumeur au cerveau, donc un prolactinome. Et ok, ben je me suis dit, c'est pas de bol. Je me suis relevée, donc j'ai forcé le fait de me relever. Donc même si ça faisait mal, même si ça ne me répondait pas, je me dis, c'est pas mes jambes qui vont gagner, c'est mon mental. Et j'ai tenté encore. Il m'a fallu quelques temps avant de pouvoir me remettre debout. J'ai mis du TEP, parce que ben voilà, au niveau des sportifs, on sait ce que c'est les bandes adhésives. Du TEP, des anti-inflammatoires à fond les ballons. Et puis j'ai continué mes vacances avec mes enfants, parce que j'étais là pour eux. Et je me dis, ça va d'aller, ma phrase à moi, ça va d'aller. Oui. Et puis je suis allée voir quand même un médecin en retour parce que ça m'inquiétait un peu de ne plus pouvoir poser mes jambes comme je voulais. Bien sûr. La douleur était de plus en plus violente dans les deux jambes, donc puis j'ai commencé à perdre la sensibilité. Puis tout ce qui est tactile, donc le chaud, le froid, je ne le sentais plus. Puis après le fait encore de... maintenant ? La jambe droite est totalement paralysée, donc je ne la sens plus du tout, donc je peux me mettre un coup de pied dedans. Même pas mal, donc je suis à Paris, j'ai une prothèse à la jambe droite maintenant depuis plusieurs années. Ben voilà, elle veut pas répondre aujourd'hui, je l'appelle un peu la belle au bois dormant. Ah ouais, un jour elle se réveillera. Je sais qu'elle se réveillera, je sais au fond de moi qu'un jour je remarcherai. C'est comme un examen, tu vois, tu connais ta matière, t'as ton prof, il veut te casser, tu dis, bah viens, moi je connais ma matière, pose-moi les questions, je vais te montrer que je suis capable. Je suis capable d'y aller. C'est du travail, je dis pas, et des fois je pleure, hein, des fois je frappe le poing au sol en disant, on est plus que marre que... D'être malade, de faire subir ça à ma famille, parce que ben, les gamins vivent comme ça et j'ai pas envie de forcément leur donner cette image-là, mais je pense qu'à travers la maladie, mes gamins ont dû mûrir plus vite. Peut-être. Ouais, ouais. Ils se sont rendus compte que finalement, ben, tout n'était pas acquis dans la vie et que ben, y a des fois, il nous arrive des galères, mais qu'il faut relever la tête. Parce que ben, ils étaient là, ils me poussaient en fauteuil roulant, moi j'aurais dû les pousser en poussette, et puis finalement, c'était eux qui se bagarraient, ben, c'est moi qui veux pousser le fauteuil roulant. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient la chance d'être sur leurs jambes. Et j'ai vraiment envie de dire aux gens, arrêtez de vous plaindre pour des bêtises. On n'a pas le téléphone à la mode, on s'en fout. On n'a pas la meilleure bagnole ou la meilleure maison. Qu'importe, on a un toit sur une tête. On n'a pas les meilleurs animateurs, on s'en fout. Mais voilà, on est là. Mais vous êtes là, vous rigolez entre vous. Voilà, juste ça, juste le message est passé. C'est ce message-là d'amour, finalement, dans n'importe quel sens, à travers la radio, à travers le chant, à travers la télé. Merci. On a tous un message à porter, on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Si moi, à travers ce qui m'arrive, je peux aider une personne, ben je me dis, ok, mes rêves et tout ça comme galère, ben finalement, c'est pour aider quelqu'un, et j'en suis fière. Et il m'a fallu être malade pour me mettre dans une autre situation. Je travaillais dans l'enseignement spécialisé, je travaillais dans le service d'urgence. Ben c'est moi qui me suis retrouvée en position de personne handicapée. Et là, on se dit, merde, quoi. Voilà. Et on se rend compte des difficultés, finalement, de ce que c'est d'être sur un fauteuil roulant, puis de dire, ben, y a des bordures de 20 cm de haut, où il y a un feu rouge en plein milieu, là, tout un temps, rue de Moulin, il y avait ça. Les portes, où elles sont super compliquées, et on se dit, ok, attends, je vais d'abord descendre mon fauteuil, ouvrir la porte, c'est la galère. Et ben moi, je veux dire, mon combat maintenant, c'est de dire, ok, je suis handicapée, je vois certaines choses, peut-être plus facilement que d'autres, mais je veux montrer à travers le handicap que la vie n'est pas finie. Il faut arrêter de mettre des préjugés sur les personnes qui sont handicapées ou les nanas, ou parce que bah, le monde très sexiste dans lequel actuellement on vit. Ok, je suis handicapée, je suis une nana, je suis blonde. C'est sûr que ce n'est pas trois arguments ici. Ça, c'est un handicap. Ah, ouais. Mais je m'en fous, quoi. Et les gens qui veulent me casser, je veux dire, ok, tu sais, j'avance peut-être pas vite. Toi, tu avances vite, donc tu vois ce qui se passe au bout du chemin, mais tu ne vois pas les détails qui sont à côté de toi. Et c'est ce qu'on a besoin dans la vie, le détail. Le soleil qui se lève, enfin, les étoiles, la lune... Même la couleur du ciel, tu vois, elle est chaque fois différente et Je me dis, mais ah ouais, la vie, c'est ça, c'est plein de couleurs, c'est se tenir la main, c'est serrer quelqu'un dans ses bras. Enfin, je serais curieuse de savoir qui a dit je t'aime à quelqu'un, à part de ses enfants ou son mari, ou à quelqu'un aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai. Mais on le fait plus. C'est les petites choses de la vie qui rendent la vie belle. On le fait plus, et c'est tellement dommage, quoi. Limite, on va dire, tu sais, toi, je t'aime. Ah, même si, moi, Sherlock, je lui ai déjà dit que je t'aime. C'est vrai. Bah oui. Mais pas c'est... aujourd'hui. Non. Mais aujourd'hui. Et après, il m'a fait un bisou dans les fesses après. Mais voilà. Est-ce que t'as dit je t'aime à quelqu'un aujourd'hui, autre que ta famille? Ou tu dis, bah, je suis content de te rencontrer. Mais même moi, dire je t'aime à ses parents, c'est compliqué. Ah oui, mais là, on va rentrer dans des grands débats. Mais vaut mieux le penser et ne pas le dire que de le dire et de ne pas le penser. Mais c'est tellement important. Oui, je sais. Je sais que c'est important. Non, les petites choses qui enrichissent ta vie. De prendre la main de quelqu'un, lui dire. Tu sais, je veux dire un truc, je vais très souvent prendre le train pour chanter le gospel, etc. Et j'ai pris l'habitude d'offrir un pain au chocolat ou un croissant avec un café à un SDF. Et je le fais à chaque fois. C'est, je pars toujours le même. Ouais. Et cette personne se dit, ben, aujourd'hui, je ne suis pas transparente. Voilà. J'existe pour quelqu'un, et un étranger, une étrangère qui m'a offert quelque chose de chaud, qui m'a donné à manger. Parfois, on a merci, parfois j'ai des larmes, parfois j'ai rien du tout comme retour. Mais je me dis, mais moi, ils existent, ces personnes. Mmh. Ils sont peut-être dans une galère parce que ben, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut m'arriver à moi demain. Ma maison crame, enfin, ouais, quoi voilà. Que ce bien soit. Sûr, bien sûr. Je l'ai fait la semaine dernière, ça. Mais ça peut arriver vraiment à n'importe J'étais qui. J'étais sur l'île et j'ai offert un pain, enfin, c'était une baguette in choco, un SDF qui était là. Mais ça te fait du bien. Enfin, ouais. Tu te sens quelque chose. Tu dis, ah ben, aujourd'hui, j'ai pu faire quelque chose de bien. Rien que le regard, parfois, tu vois. Et c'est ça. Justement, ça, c'est... Parce que pour l'avoir vécu aussi, j'ai un pote qui me demandait, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, je dis, ouais, forcément. À partir du moment où tu poses la question, c'est que tu ne peux pas comprendre. Et ça m'a pris une satisfaction personnelle. Ben puis voilà, voilà, ça m'apporte de la joie. J'ai l'impression d'avoir fait une cette personne, elle est importante aujourd'hui pour moi. Parfois, je lui prends la main. Je s'en fous qu'il soit craint. Il y a du savon, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Mais il faut s'arrêter. Enfin, il faut arrêter de regarder à la première image comme ça. Dire, ah. Tu sais, il y a des gens qui sont voyants, ils vont s'arrêter. Il y aura, par exemple, je veux dire, un SDF, un super quelqu'un de super chicos, et puis un politicien. Le SDF, tu vas pas lui serrer la main parce que tu le vois. Bande-lui simplement les yeux. Et tu lui dis la même chose. Je te présente trois personnes, tu peux leur dire bonjour. Il va lui serrer la main. Parce qu'il va pas s'arrêter à l'image visuelle qu'on voit là. L'apparence. Hein. Il va ressentir avec son cœur, avec son âme. Et ça, c'est important. Et moi, à travers ce défi, ben, c'est ce que je vais faire. J'ai envie de penser aux autres. Et je vais donner mes tripes. Et c'est vrai que alors, c'est justement, de Marjorie, ce défi, qui n'est pas anodin, quand même. Il va se passer donc, à Font-Romeu, c'est ça? À Font-Romeu, dans les Pyrénées. Donc, dans trois semaines, on y est. Ouais. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, moi, Stéphane Carito m'a contacté en juin, donc lors d'un événement d'Hélène Segarra à Étainbourg. Oui. Puis, il m'a dit, écoute, je sais qui tu es. Et j'avais l'impression d'avoir le FBI devant moi. C'est horrible. J'ai dit, ok. Et d'accord, tu sais qui je suis, c'est très bien. Mais moi, t'es qui toi? Moi, je te connais pas. Et puis, il m'a un peu expliqué. Il dit, moi, je suis le président de l'association Rêve d'Ange qui réalise un peu les souhaits des enfants gravement malades, ouais. Voire en fin de vie. Donc, juste ça, moi, ça me touche. Je dis, ok. Mais il me dit, écoute, j'aimerais que tu fasses un défi extrême. Et tu sais quoi? Tu vas nous en parler du d'accord, défi extrême. Okay, parle, on va parle. Garder le suspense, ouais, voilà. Le temps de se faire une petite coupure musicale et de rappeler qu'effectivement, si vous souhaitez nous balancer un petit com sur la page Facebook, surtout, ne vous gênez pas, elle est faite pour ça. Flipkat, tu nous rappelles comment on fait d'ailleurs? Bah oui. Eh bien oui, on va sur la page de 80 à l'heure, tout simplement, vous tapez 80 à l'heure. Et puis voilà, si vous êtes inscrit, il n'y a pas de problème. Oui, surtout si vous faites partie du groupe, parce que c'est important. C'est ce que je veux dire, oui, ouais. Pas là. Oui, surtout faire partie du groupe, attention. Hein. Donc pour faire partie du groupe, il faut aimer la page. Ouais, tout simplement, nous, on accepte tout le monde, on n'est pas regardant. Non, mais je dis ça parce que je... C'est vrai, même ceux qui nous vendent des crédits, alors pour te dire... C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui s'inscrivent... Non, mais... Non, on les vire. Il y en a qui s'inscrivent, après qui nous disent oui, je voilà, peux avoir un crédit, machin. T'as besoin, machin, et j'ai eu ça cet après-midi, d'ailleurs, je dis ça au passage. Ah ouais. Avec un beau petit prénom, un beau petit nom, ah super, et puis 30 secondes après, c'est alors t'as besoin d'un prêt, machin, blablabla, ok, allez, dégage. C'est une fille? Oui. Ouais, je l'ai vu passer et j'ai voulu cliquer pour l'accepter, t'as été déjà passé. J'ai même dit bienvenue à... Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, ouais. après je l'ai viré, j'ai dit bah, dégage. Mais voilà, vous inquiétez pas, vous serez pas accueillis comme ça. Hein. Non, non, non, non. Si vous vendez pas de crédit, donc voilà. Ça va. C'est ça. Vous n'avez rien à vendre. Mais Je précise tout à l'heure, s'inscrire, en sachant que ce n'est pas une obligation de faire partie du groupe, c'est parce que justement, j'ai constaté à deux reprises, il n'y a pas si longtemps, qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas pourtant dans le groupe. Ah ben oui, mais ils sont libres quand même. Oui, bah, c'est pour ça. T'es pas obligé d'adhérer, mais le truc, c'est que si tu veux interagir avec nous en direct, tu dois faire c'est plus pratique quand même de faire partie du groupe. Au moins, on peut répondre. On peut répondre en direct. Mais voilà. À condition de faire partie du groupe. Absolument. Voilà, c'est ça. Donc on a bien compris, il faut faire partie du groupe. Voilà. Bon, voilà. Et ben, on va se retrouver après une petite partie rock avec les Stray Cats. Rock This Town. Ah bah, ça va faire plaisir à Flipkat, ça. Attends, on est de combien aujourd'hui? On est de 22. Tu vas noter la blanche. Ah ouais, je vais noter. Et ensuite, on formant avec... Je peux le faire. Ah, ça va tout gâcher. Me poussez pas, je peux le faire. Un petit match-up entre Stray Cats et formant, c'est possible. Non, non, je l'ai pas fait. Le faire. Non, non, mais on va revenir après avec Aerosmith et Dude Looks Like a Lady. T'as bon goût quand même. Qui est la musique du film. Tu sais que je t'aime bien, toi. C'est vrai. Ah bah je l'ai dit. Donc... Voilà, ah non, mais faut enlever le bien. Oui, c'est je t'aime. Oui, je sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Dis-lui, allez, vas-y, dis-lui en direct. Ah mais tu sais que je t'aime, Sherlock. Ah, c'est gentil. Avec moi, regarde-moi dans les yeux. Il y a beaucoup d'émotions, là, je vois. Voilà. Alors donc, avec Aerosmith, c'est Dude Looks Like a Lady, donc qui est une des chansons du film Madame Doubtfire. D'accord. Ah oui. Allez, c'est parti. pas les titres. Et oui, donc évidemment, vous êtes dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, hein, comme tous les mardis soirs, de 20h à 22h30. Et vous venez d'écouter deux titres merveilleux que nous a proposé donc Sherlock. Donc, j'ai oublié les noms d'ailleurs. Les Stray Cats. Les Stray Cats avec Rock This Town. Et évidemment, Aerosmith avec Dude Looks Like a Lady. Ouais, mais c'est trop long comme titre, hein, excuse-moi. Ouais, mais, non, mais c'est faire Crazy, ça. Crying, c'est sympa. Le mec ressemble à une femme en fait. Ah, okay. D'où la BO donc, du film Mrs. Doubtfire. Voilà, c'est ça. Enfin, ouais. Le film est quand même sorti 6 ans après. Oui, oui, j'imagine. Parce que le titre date de 87, ouais. Le film est sorti en 93. Petite pensée à Robbie Williams. Robin Williams. Ah oui, d'ailleurs. Robin Williams. Robin, ça, parce que l'autre, on s'en fout. Mais... non, on s'en fout pas, ils sont très bien. Mais, pensez à Robin Williams, ça me fait toujours penser au clown triste. Hein, d'ailleurs, Robin Williams, qu'on embrasse au passage. Hein. D'accord, ok. Mais non, non, mais alors il faut savoir que Robin Williams, on ne le verra plus sur les écrans. Non, mais. C'est sûr. Non, non, alors je m'explique. Oui, vas-y. Je m'explique, c'est que, par exemple, ils ont l'intention, par exemple, de faire un film avec Bruce Lee. Oui. En reprenant toutes les images de Bruce Lee dans les différents films. Oui. Pour modéliser les visages, un peu ce qu'ils font il y a un spectacle sur Paris avec Dalida, Mike Brandt, oui, voilà, c'est ça, les hologrammes. Claude François, c'est voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Où en fait, ils ont modélisé les visages et on les voit ensuite en hologramme sur la scène. Mm. Pour certains acteurs, apparemment, ils auraient l'intention de le faire. Robin Williams avait mis dans son testament qu'il ne voulait pas qu'on utilise son image après sa mort. Ah, donc on ne le verra plus à l'image, même après sa mort. Et bah c'est bien dommage, voilà. C'est bien dommage. Ouais, parce que lui, c'est bien dommage. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, donc, ce soir, nous sommes avec Marjorie Demullier, oui. Voilà, qui nous a parlé juste avant la coupure musicale, donc d'un défi extrême. Extrême. Alors, il va falloir que tu nous expliques, parce que, alors, on rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, effectivement, bon, tu as un handicap, voilà. J'ai cette chance de prendre mon pied chaque jour. Quoi. Exactement, voilà. Absolument. Voilà. Et donc, tu t'es lancé un défi qui est pas des moindres, parce que je dirais que même pour quelqu'un de valide, c'est un défi de fou. Alors, il faut que tu nous en parles, ouais, parce que c'est quoi? C'est un triathlon? C'est un trekking. Enfin, à la base, ça se faisait sur 3 jours. Pour finir, ça se fait sur 2 jours. Ouais. Donc forcément, la préparation physique est différente, l'intensité physique sera franchement différente, parce que quand on peut mettre sur 3 jours des exercices, c'est plus facile à gérer. Donc là, en fait, le défi, ben, ce sera l'ascension d'une montagne à 2194 mètres d'altitude. Ouais, ah ouais, quand même. Ah ouais, déjà, ouais, voilà. Alors, excuse-moi, je vais être pratico-pratique, mais ça veut dire que tu vas le faire en béquille. En béquille. Donc, pour ça, il faut que je me prépare. Donc, j'ai vu mon prothésiste pour qu'il gère un peu ma jambe. Ouais. Histoire de la mettre au taquet également, même si elle ne fonctionne pas, mais la mettre dans la condition pour éviter qu'elle me plante également. J'ai été chercher des crampons pour des béquilles. On a vu ça sur Facebook, mm-hmm. Effectivement. Ouais, donc, ouais, alors, ouais. Ça existe des crampons pour béquilles. Ça existe des crampons pour béquilles, parce que, ben voilà, moi, je ne me déplace qu'à la force de mes bras. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que l'ascension va être relativement difficile. Le dénivelé, il est quand même costaud. Donc, moi, je me donne 5 heures maximum pour grimper. Ouais, quand même. D'accord. Donc, quelqu'un de valide mettrait combien de temps? Mais je sais pas du tout, parce que je connais pas du tout l'endroit. Je sais que c'était à Font-Romeu, là-bas, dans les Pyrénées. C'est à côté d'Andorre, hein, Font-Romeu. Pour ceux qui veulent situer un petit peu. Donc, je connais pas du tout. Frontière espagnole, alors, voilà. Du coup. Ouais, ouais. Quasiment. Ouais. Donc, voilà, je serai accompagné d'une quinzaine de champions du monde en différentes disciplines. Donc il y a le quintuple du champion du monde du gars qui descend en VTT sur les montagnes là. Ouais. Donc lui il sera là, il y a le Cédric de Koh-Lanta qui sera là de l'année dernière. Donc je connais pas personnellement. Moi non plus. Et puis le reste des champions des gars qui font de la boxe, des sportifs, de combat, quoi, confirmés. Ouais. Et puis moi pas. Donc c'est vrai que je suis pas une championne, peut-être de la vaisselle. Qu'importe, mais... mais sur la montagne, ça va pas être pratique. Mais voilà, la montagne, je veux dire, voilà, moi, j'aurai que mes bras pour me déplacer, donc tout le monde arrêtera à 2000 mètres, donc d'après ce que l'organisateur m'a dit, donc Stéphane Carito, tout le monde arrête à 2000 mètres, toi, tu feras les 194 mètres restants, où j'aurai cette chance, moi, de planter le drapeau des 5 associations mocronoises que je représente, et ça, j'en suis fière, avec la phrase qui est très symbolique pour moi, mais qui me donne énormément de force, c'est « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Ah, oui. Si tu sais que tu peux le faire... Phrase. Crois. Si toi tu sais que tu es capable de le faire, bah fais-le. Les autres, on s'en fout. Il y en a plein qui vont dire non, t'es pas capable. Même moi, il y en a plein de mon côté qui disent mais Marjo, t'es complètement taré, quoi. qu'est-ce que tu vas aller sur la montagne, toi, c'est dangereux. C'est vrai, hein, mais t'es taré, hein. En fait, t'es complètement tarbé, bon, hein, il faut le dire, hein, carrément. En plus, quand ils vont tous s'arrêter à 2000 mètres, tu vas être porté par leur... Moi, j'aurais dit, t'es givré. Donc voilà, je vais aller là-haut, et puis, il y a cette chanson You Raise Me Up qui me porte forcément, donc qu'on a chanté à l'événement dernier, là, pour l'événement gospel le 29 octobre. Mais j'ai envoyé un email à Josh Groban. Ah. Voilà, et j'espère quand même avoir un retour de sa part ou de son comité de presse. Donc, je l'envoie. Je ne m'arrêterai pas tant qu'il ne me répond pas de toute manière. Donc, je suis tête de mule. Donc, voilà, il y a l'Ascension où je planterai le drapeau des associations Montcronoises. Donc, on va enchaîner après sur du rappel sur le plus grand canyon de France. D'accord. Dans la foulée. Dans la foulée. Ah, okay. Ouais, carrément. Okay. On va enchaîner certainement le lendemain du canyoning. Ça, c'est aussi. Oui, espèce. Rien que ça. Et puis, ben, la cerise sur le gâteau, c'est l'apnée sous la glace. Alors, ça, oui, mais ça, alors, c'est traumatisant. Hein. La descente, on rappelle, c'est, pour moi, c'est ce qui sera peut-être le moins difficile, alors que c'est difficile, hein, on est d'accord, mais c'est le moins difficile, parce que là, tu descends. Donc, voilà, forcément. Alors, le canyoning, ici, c'est combien de mètres c'est, Mais ça va être une longue descente, apparemment. De façon, de toute manière, mes jambes seront sanglées. Mm-hmm. Parce que si je perds la droite en route, je vais peut-être pas m'en rendre compte tout de suite. Ça pourrait être cher. Oups, ouais, voilà. Mais, elle est où ? Voilà. Donc elles seront sanglées de manière, voilà, est-ce que je me mette en sécurité également parce que j'ai pas envie de risquer ma vie derrière. Bien sûr, j'ai trois enfants et ben voilà. Donc je me mets dans une préparation physique super importante. C'est vrai que j'arrête pas une minute, ok. Mais l'apnée sur la glace. Alors c'est quoi cette histoire-là ? Explique-moi parce que. Ben on va tous y passer, sauf ceux qui ne veulent pas. Ouais. C'est partir à 2-3 mètres de profondeur sous un lac gelé. Ouais. Donc on aura la glace au-dessus de nous. Et puis En apnée. Donc combien de mètres Je pense que c'est 2-3 mètres en apnée. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais parce que plus bas, après, moi, je sais pas, donc je sais quelle équipe. Non, mais je veux dire la distance. Parce que, 23 mètres de profondeur, à mon avis. Non, mais la distance, pas la profondeur. La distance. Non, on descend sous un câble, donc on sera en apnée statique. D'accord. Donc ça veut dire qu'on se tient sur un câble, fil d'Ariane, forcément. Et puis on tient. Combien de degrés? L'eau, elle va être très froide. Mais t'as une combinaison et tout ça, enfin, rassure-moi. Une combinaison, oui, mais tu sens, donc, quand même. Semi-étanche, donc, parce que bah, voilà, là, je me prépare actuellement en piscine. Ouais. Donc, avec c'est le club Palme, le club de plongée sous-marine donc de Mont-Saint-Barrel. Mm-hmm. Donc, moi, je suis une moucron et c'est un club de plongée de Mont-Saint-Barrel qui me prend. En France. Mm-hmm. Donc, les instructeurs viennent me chercher à la maison, ils m'emmènent en piscine, on bosse ensemble, ils me ramènent à la maison. Donc, c'est des instructeurs handisport. Donc, ils gèrent les personnes handicapées. Donc, je travaille actuellement avec eux. Donc, la première fois, je suis partie en piscine avec eux. Donc, on a fait le baptême de plongée, voir un peu comment on gérait les bouteilles. Donc, c'était très fun. Ouais. Mais tu n'auras pas de bouteille, là, si ? Non. Là, ah, justement. C'est juste pour voir un peu les conditions, de voir comment je gère un peu l'eau. Parce que mon corps, forcément, mes jambes ne répondent pas dans l'eau. Ouais. J'ai la gauche qui est valide, mais dans l'eau, elle ne répond pas. Donc, elle est un peu capricieuse. Mais c'est pas grave. Donc, après, on a enchaîné sur l'apnée. Et moi, je me dis, OK, je vais tenir une, peut-être une 15. Et la première fois, j'ai pu tenir une 50. Une seconde 50 ? Non, 1 minute 50. Voilà, hein. Dieu. Oh, ah ouais, quand même. Mais voilà, c'est de l'entraînement. Et puis c'est vrai que j'avais tendance à enfin, on a des masques sous l'eau, forcément. Et puis j'étais perturbée un peu par le relief de l'eau. Tu vois. Voilà, ça fait des dessins sur le sol. Et puis on regarde. Et puis on regarde un peu son voisin. Bien sûr, ouais. Et puis là, j'ai décidé de travailler de manière différente. Donc je vais sous l'eau et je ferme les yeux. Donc la dernière fois où je l'ai fait, j'ai pu dépasser mon chrono à 2 minutes 45. J'imagine. Ouais, mais moi je pourrais pas. Hein, mais c'est du travail, enfin, c'est le mental. Tu sais, je me déconnecte totalement de mon corps et je ne pense à rien. Donc mon corps est dans l'eau, mais mon esprit est totalement ailleurs. Et je suis focus sur le défi. Je me dis, pour ces gamins, il faut que je donne le meilleur. Je dis pas que je vais tenir 2 minutes 45 dans l'eau froide, mais j'aimerais tenir 2 minutes. C'est déjà énorme, hein, parce qu'avec le froid, enfin moi j'ai fait de la plongée. Apnée et bouteille, parce que c'est deux choses différentes. Mais non, c'était dans un resto que tu as fait de la plongée. Non. Dans un resto, mais après j'ai fait en pleine mer. Mais c'est particulier, il faut savoir se déconnecter justement. Ah oui, c'est terrible. Ouais. Mais je pense que voilà, je fonctionne beaucoup au mental. Oui, mais on le ressent. Hein, j'ai terrible. Ma force mentale qui est là, et puis cet amour de la vie. Je l'aime plus que tout, la vie. Parce qu'on n'en a qu'une. Ouais, c'est game over. Quoi. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne reviendra pas. Donc profite de ces moments maintenant présents. Et puis j'ai les 5 associations qui sont là. Donc je ne peux pas les planter. Elles ont confiance en moi et je n'ai pas le droit quelque part de les trahir. Alors j'ai envie de te poser cette question-là parce qu'effectivement, tout à l'heure, Philippe Cat te posait la question pourquoi tu fais ça. On l'a compris évidemment parce que tu aimes la vie. Oui, mais parce que ces tout. 5 associations-là. Mais ensuite, pour ces associations-là, qu'est-ce que ça va leur apporter? Alors ben, en fait, les 5 associations que je représente, elles m'apportent déjà quelque chose. Parce que ben, je connais ces personnes depuis très longtemps. Donc il y a Chiara, dont organe don de vie. Donc, oui. Ses parents, Jean-François, moi je le connais, on a grandi ensemble, donc moi je l'ai connu bébé, Jean-François. J'ai suivi leur étape et je sais ce que c'est d'avoir des problèmes rénaux parce que j'en ai. Mmh. Donc je me dis, ok, juste ça, c'est un ami, je le fais pour lui. Puis il y a l'enfant, donc qui est dans l'école de l'enseignement spécialisé à la Coquigny, ouais. qui gère aussi les enfants polyhandicapés, qui veulent venir en aide, donc... l'argent leur servira de manière à... Ah, donc derrière, il y a un gain alors. Ah ouais. Moi, le but, en fait, à la base, c'était de pouvoir leur apporter 500 euros minimum. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je vais sonner à toutes les portes, je vais chercher des sponsors, etc. Donc, je leur ai fait une promesse, je vous donnerai un chèque de 500 euros. Aujourd'hui, ma promesse est largement dépassée. Je peux déjà leur offrir plus de 700 euros. Ouais, c'est bien. Donc, je suis contente. Maintenant, tout ce qui vient, bah, c'est encore du bonus pour eux. Donc, s'ils ont 1000 balles, bah, ils ont 1000 balles. S'ils ont bah, 700, bah, c'est déjà plus que prévu. Voilà, mm-hmm. C'est ça. Parce que je suis toute seule à chercher et c'est pas toujours évident. Les portes se ferment maintenant. Oui, sponsor, on fait que ça, donner. Ok. Aujourd'hui, je peux leur donner 700 balles et je suis très contente. Donc, maintenant, pour elles, là-bas, elles sont super importantes. Donc, il y a la SBL qui a radon d'organes dans de vie, il y a l'enfant, il y a Gospel Sound Music, il y a Un rêve, une étoile, tout est possible, il y a Oti Bolder. Mmh. Donc Oti Bolder gère les enfants handicapés, c'est la SBL de Mackinac qui m'aide depuis plusieurs années, tu vois, à éviter de perdre ma jambe gauche, qui fait tout ce travail quotidien parce que c'est tous les jours où je m'enquine avec elle. Il y a Un rêve, une étoile, tout est possible, qui est la SBL de Véronique et de Béa, qui sont des amis. Mmh. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir créer le nom de leur association. J'ai déjà écrit les paroles d'un futur titre pour leur single également parce que j'aime ça écrire la musique. Donc ça, c'est déjà fait. Donc, je sais ce qu'elles vont faire de cet argent. Toutes les associations, je sais ce qu'elles vont en faire. C'est pas juste pour faire joli dans une caisse et dire « Ouais, t'as vu, on a du pognon. » C'est faux. Ça servira à des choses concrètes et ludiques, pédagogiques, administratives, matérielles. Non. Oui, pour le bien-être des enfants. Voilà. Et moi, je veux dire, elles me donnent leur confiance quelque part parce que je porte le couleur. J'ai pas le droit de me planter. J'ai pas le droit. Et je me planterai pas parce que je sais pourquoi je le fais. Et ce défi, mais je sais, mais royalement que je vais y arriver. J'ai pas bien peur. Bien sûr. J'ai hâte d'y être. Maintenant, c'est sûr, c'est beaucoup de travail. Donc depuis le mois de juillet, je m'entraîne. Donc je m'entraîne à la salle universelle internationale avec Déborah, ma coach, mm-hmm. qui va m'accompagner. Qui est sur Moucron, hein, c'est ça. Qui est sur Moucron, rue Neuville. Donc moi, voilà, Déborah me coach avec Jean-Jacques Batoum. Ils sont là de manière tout le temps bénévole à m'aider. Et on travaille. Il y a des fois, j'en ai marre de travailler ces muscles qui répondent pas, mais je sais pourquoi je le fais. Les gamins, c'est tous les jours, ils ont mal. Et voilà. Le défi extrême, ce sera une fois pour moi. Mais ces gamins, c'est tous les jours le défi extrême pour eux. C'est pas 2000 mètres qu'ils montent, c'est 15 000 mètres qu'ils doivent monter, c'est 50 minutes en apnée, c'est tous les jours, ils doivent faire du rappel pour essayer de rester en vie, tout simplement. Bien sûr. Donc, c'est super important. Moi, j'ai envie de leur dire, ok, à travers le handicap, on peut accomplir de grandes choses. On peut tous accomplir de grandes choses dans la vie. Et il faut arrêter de se mettre des barrières. Parce que des barrières, on en a déjà plein dans la vie. Et c'est débile d'en rajouter d'autres, quoi. Mais profite de la vie. T'as peut-être pas tout ce qu'il faut, mais t'as déjà l'essentiel. Mais aime-toi. Aime la vie, sois reconnaissant sur ce que t'as. Moi, j'ai pas des millions dans mon portefeuille. J'aimerais, parce que sinon, je leur donnerais déjà leur chèque. Mais j'ai mes enfants. J'ai l'amour de mes enfants, j'ai ma famille, même si ma famille flippe par rapport aux défis. Ah bah bien sûr, il y a de quoi. Attends, bah oui. Ma maman a super peur, elle me dit, j'ai peur, mais moi j'ai pas peur. Si maintenant je me sens en danger, je serais peut-être encore un peu plus prudente, mais je sais que là-bas sur le défi, il y aura les gendarmes, il y aura les guides de randonnée. Oui, l'encadrement, évidemment. Il y a l'encadrement qui sera là. Ouais, j'ai en confiance, mais si je sens maintenant sur l'ascension que je me sens pas bien... Je ne veux pas dire, ok, je vais là-haut, en risquant de mettre ma vie en danger, mais mettre la vie des autres en danger. Oui, aussi. Parce qu'on n'est pas seul. Il faut arrêter d'être égoïste aussi dans la vie. On est plein de personnes sur ce défi. Et moi, j'ai envie de revenir entière pour mes gamins, quoi. Et, Et mon fils est là présent et je pense qu'il m'arracherait la tête s'il devrait m'arriver une boulette, quoi. Mais nous aussi, on t'arracherait la tête. C'est clair. C'est ça, ouais. C'est clair. Non, il faut rester quand même. Alors, Marjorie, franchement, on boit ses paroles. Oui, hein, mais c'est vrai. Vraiment, parce qu'il y a des lueurs d'optimisme dans ce que tu dis et surtout du courage, énormément de courage. On va y revenir, on va en reparler. Parce que figurez-vous que Marjorie n'est pas seulement aussi une sportive, c'est aussi une artiste. On en parlait tout à l'heure. Elle parlait de Godspell. Elle en a un peu parlé là, mais là, elle est en train de démarrer une tournée. Tu nous en parles juste après cette coupure musicale, évidemment. Et on reviendra aussi sur ce défi extrême. Marjorie, si on veut te retrouver, il existe une page Facebook, effectivement. Oui, donc j'ai ma page à moi, donc Marjorie de Bélier. Et puis il y a une autre page, je dirais, personnage public où chaque jour je balance des phrases positives. C'est ça. Ah oui, c'est pas oui. des longues tartines, c'est quelque chose qu'on peut lire chaque jour et ce sera toujours positif. Ça va peut-être pas te correspondre à toi, Stéphane, mais ça va peut-être correspondre à toi, je sais qu'à quelqu'un. Déjà, ça me correspond. Elle s'appelle à moi. Comment déjà cette page? C'est Marjorie de Mulier. C'est toujours. J'ai pas besoin de mettre des tralala autour. Ça reste moi. Ouais, ça reste d'accord. Toi, ouais. Et parce que je te cache pas que je te connais depuis plusieurs, peut-être moi. Pas plusieurs années, mais plusieurs mois. Ouais, et, on était amis sans le savoir. Voilà. Bah, c'est ça. Ouais, carrément. Et, voilà. Et puis il y a la page Défi Extrême qui sera un peu gérée par Véronique. Mm-hmm. Et Béa, parce que moi, quand je serai là-bas, je pourrais pas forcément aller sur un PC ou non, ça va être un peu compliqué. Ouais. Puis tu l'as récupéré quoi, quand même entre deux. Donc, oui. Un petit peu, ouais. Voilà, un petit peu. Je vais prendre une GoPro avec pour quand je serai sous l'eau. Oh yeah, ouais, ça serait bien. Chouette. Ça va être sympa quoi. Ah ouais, carrément. Ça, on a des rameurs là. Bon, ouais. Eh ben, on va se faire une petite coupure musicale, Sherlock. Oui. Eh ben alors, tu parlais de justement de prendre de la hauteur. Ben moi, j'ai pensé à Francis Cabrel avec La Dame de Haute-Savoie. Bon, même si c'est pas dans les Pyrénées. Oh, la transition. Tu vois. Même après, si c'est dans les Grand Bleu. Non, pas du tout. Et non, après il va te passer Étoile des Neiges. Et bingo. Simon les mots d'année avec Étoile des Neiges. Alors, en rappelant que Canon vient de nous rejoindre, donc on aura l'occasion donc de la voir. Il a terminé sa réunion là, donc il est là avec nous d'ici quelques minutes. Calme et fini. Ça va être le bordel. Il arrive, il est là, il est dans les couloirs. Donc Canon, vous allez la voir d'ici quelques instants. Bah, le temps de cette coupure musicale. Allez, bah, c'est parti. Donc Francis Cabrel avec La Dame de Haute-Savoie et Simon et les mots d'année avec Étoile des Neiges. Ces gens qui m'écrasent, quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases, quand leurs mots voleront un éclat, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve, quand je serai fatigué d'un métier où tu marches ou tu crèves, lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Ma place. Au lieu de me jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe, je prendrai ma guitare avec moi et peut-être mon chien s'il est encore là, et j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie, chez la dame de Haute-Savoie. étoile des neiges. Étoile des neiges, Atlas, Atlas, sèche tes beaux yeux, Atlas, Atlas, le ciel protège, Atlas, Atlas, les amoureux. Je pars en voyage, Atlas, Atlas, pour qu'à mon retour, Atlas, Atlas, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Et quand refleurir les beaux les mots d'année dans Étoile des neiges. Ah, dans, bah oui, on est toujours mieux dedans. Ah, franchement, je suis content de vous retrouver. Ça y est, je me fais déjà engueuler par Sherlock parce que je crie. Comment allez-vous ? Eh ben, ça va bien. Alors, dis donc, petit rendez-vous professionnel. Ouais, ouais, j'avais quelque chose à faire absolument important avant et voilà. Ah, tu nous as manqué. C'est vrai. Oh non, c'est pas vrai. C'est vrai. Pas de blague salace. Pour une fois, on a pu en placer une. C'est vrai. Ouais, voilà. C'est pas parlé. Parler. Non. Si, on n'a pas parlé de cul, on t'attendait. C'est vrai. Ah. Ça va, vous avez bien. Bah, je suis content de vous retrouver. Nous aussi. Non, j'avais prévenu, mais c'est vrai que voilà, non, mais j'allais venir, mais c'est un peu compliqué. Quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps, puis c'est vrai qu'on a parlé aussi de 80 à l'heure. J'ai récupéré en fait nos affiches. Ah bah oui. Il fallait faire, et en plus, il fallait que je parle business, et puis le temps est passé très vite, et il fallait qu'on se nourrisse. Je me doute. Voilà, parce qu'il fallait que je bouffe. D'ailleurs, ça sent la frite hein, dans le studio. Oui. Mais c'est assez impressionnant. Nous qui avons faim, bonjour. Ou alors c'est ton nouveau parfum, je sais pas. Toi, t'as toujours faim. De frites, hein, pas de fricadelle. Alors ce soir, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Alors ça sent la frite et la raclette. Ah ouais. La raclette, parce que il y a nos amis quand même de Chiffon Rouge qui fêtent leurs 34 ans d'émission ce soir. Wow. Donc qui sont au bar là et qui sont en train de fêter ça en bonne et due forme. Dignement, ouais. Donc on leur souhaite un bon anniversaire évidemment. 34 ans, c'est fou. Alors le jour où on va arriver à 34 ans, t'imagines. Bah, on sera vieux comme demain. On en est à 11 ans là déjà. C'est déjà pas mal. Mais alors jusqu'à 34 ans. Rien n'est impossible à celui qui croit. Hein. Ah, et voilà, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Enfin moi si tu crois crois qu'à 73 balais, je vais me retrouver avec les trois grands. Mais si, mais ça va être... Non, mais comme tu dis, la vie est un don. Moi, j'ai envie d'en profiter. Bienvenue dans 80 à l'heure. Ouais, mais ça va être marrant parce que quand même... Non, ce sera 20 à l'heure pour toi. C'est ça, à peu près. Mais le truc est quand même assez comique, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez compris, l'émission 80 à l'heure, c'est essentiellement des titres des années 80. Dans 20 ans, des titres des années 80, c'est comme si on passait de l'accordéon aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, marrant. Ça fera 50 piges. Marrant, quand même. Hein, ça fera 50 piges, quand même. Ah ouais, ouais, là, bah largement, largement, ça va être assez marrant quand même. Je sais pas si on recevra les années 80 comme on les reçoit aujourd'hui, puisque ça marche encore aujourd'hui. On va s'entendre parler, tu sais, c'est le côté ouais, c'était la bonne époque, maintenant les jeunes ils comprennent rien, je pensais de la vraie musique, machin. Et tiens, je vous parle, ah, l'ancien collègue, salut Harry, salut, c'est, bah t'as fait partie de 80 à l'heure, Canon, ton dentier il tombe, ouais, pardon, excuse. Et, tu sais qu'à mon âge, y a pas que le dentier, mais bon. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux, ouais, ça l'époque. Elle regarde plus les pieds que ta casquette. Hein. Absolument. Absolument. Et bienvenue dans le Mopé Show. Voilà. Ah ouais, et Canon est revenu, ça y est, c'est parti. Bon, évidemment, vous le savez, ce soir, on est avec Marjorie Demulier, hein, qui nous a parlé donc du défi extrême qui va avoir. C'est la barrée qui va se jeter dans de l'eau froide, là, je pense. Absolument, absolument. T'es malade. Alors. Avant de revenir, je sais. Avant de revenir vers toi, Marjorie. Ah oui, bah, oh, elle est fine celle-là. Avant de revenir vers toi, évidemment, moi, ce que je te propose, c'est de découvrir ou de redécouvrir la chronique rétro ciné 80 de notre ami Sherlock. Donc une chronique comme son nom l'indique, qui va nous parler donc d'un film des années 80. C'est bien ça. Alors la dernière fois, tu avais trouvé le film. J'espère que cette fois-ci, je vais c'était te. C'était Coluche, c'est ça. Ouais, c'était le maître d'école. Ouais, ah, ouais, ouais. Ah oui, ouais. Là, t'as une bonne mémoire. Ouais. Parce qu'ils s'en souvenaient plus déjà autour de la table. Si, moi j'allais le dire. Et tous nos invités sont pas des idiots. J'ai jamais dit ça, non, non, non, pas du tout. Aucun alors bah écoute, c'est parti. Si, il y en a. Première. Ah bah non, on va faire un avis. Alors ne sors pas Retour vers le futur, hein, c'est pas non, non. Ah ouais. Nombreuses Marjorie. Montons vite dans la DeLorean. Et partons vers l'année 1986. Ça faisait un peu Rocco Siffredi quand t'as dit Marjorie, je sais pas pourquoi, mais... Marjorie. C'est plutôt... Marjorie. Ça fait plutôt Rocky Siffredo. Rocky Siffredo, ouais. C'est ça. Alors bon, effectivement, le film que j'ai regardé cette semaine, car oui, je regarde tous les films dont je parle, date du 17 décembre 1986. Exactement. Bien. C'est la seule chose que je sais. C'est vrai que toutes les semaines, elle va me le dire. Hein, c'était 8 jours avant Noël, non? Ouais, à peu près. Ah ouais, à peu près. Ouais. À peu de choses près. Non, 17 et 8, 25. Ouais, donc c'est à peu près ça. Donc c'est exactement ça. Mais moi, une semaine, c'est 7 jours, donc... Non, mais 17 et 8. Bon, si on pouvait faire ta chronique, ce serait bien. Oui, bien sûr, oui. Alors, une semaine, ça commence le lundi. Canon est revenu, hein. Alors, donc... J'ai pas beaucoup de chiffres pour ce film, à part les chiffres sur Paris pour 2 semaines à peine, parce qu'il est resté que 2 semaines au box-office sur Paris, et il a fait 57 141 entrées. Donc effectivement... Mais c'est genre un cinéma bien particulier, non? Non, pas du tout. Non. Ça a rapport avec Rocky Siffredo. Pas du tout. Est-ce que c'est le cinéma où c'est une petite cabine où tu mets une pièce? C'est pas ça non plus. Non. Alors je vais vous faire écouter la première... la première musique du film, c'est celle-ci. Alors, tu nous en avais déjà parlé, non? Pas du tout. Non. Ça n'a pas de rapport avec des jeunes. Non. Non. Tu voilà, pensais à quoi? Ah non, je pensais à Ferris Bueller, je sais pas pourquoi. Ah non, pas du tout. Ouais. Non. Alors Ferris Bueller, j'en ai parlé sur Facebook il y a un ou deux jours par rapport à Juliette Kérodi de la ville de Waterloo. Ouais. Moi j'y étais en live, donc qui a repris une phrase de Ferris Bueller. Ouais, exact. Ah bon. Et j'ai trouvé ça excellent. Ouais. Ouais, absolument. J'ai trouvé ça excellent. Reprendre la salut au Ferris passage Bueller, d'ailleurs Juliette. Qui est responsable des animations de Waterloo. Et qui est l'adjointe à la culture de Waterloo. De la ville de Waterloo. Alors, donc, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour info, non. C'est Fonte la Basse, qui chante Rescue Me. Ah, mais oh, je croyais que c'était quelqu'un de plus connu, quoi, genre Ella Fitzgerald ou je sais pas quoi. Mais... Non, non, non, c'est Fonte La Basse. Ah, d'accord, ok. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah, pour l'instant, toujours pas. Je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Il y a Phil Hartman, John Lovitz, James Bellucci, ah. Jonathan Pryce, Annie Potts, Carol Kane, John Wood. Et je ouais. laisse les deux acteurs principaux. Est-ce que dedans il y a la chanson Fink? Pas du tout. D'accord. Tu pensais aux Blues Brothers? Bah, absolument, James Bellucci, forcément. Mais ouais, eh ben, justement, c'est Bellucci dedans. Ah ouais. Non, alors c'est John Bellucci qui joue dans les Blues oui, Brothers. Alors, est-ce que ça a un rapport justement avec le maître d'école? Non, je crois. Ouais. Ah non, non, non. D'accord. C'est pas le proviseur. D'accord. Parce que c'est à ça que tu pensais. Absolument. Non, c'est pas ça. Le maître. Enfin, le proviseur, j'en avais déjà parlé. Ok. Là, c'est un film dont je n'ai jamais parlé. Je vais vous passer le deuxième extrait. Alors, écoutez bien. 57 000 entrées 15 jours. On n'a pas dû en parler beaucoup. C'est pas un signe. C'est-à-dire que y a eu, ça a marché, ce film. Ouais, ouais, le film est connu. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci pour ça, le film est connu. C'est juste que je n'ai pas réussi à trouver les chiffres pour le box-office en France. Mais il a fait combien d'entrées à l'Omnia, à Lille? Alors, je ne sais pas du tout. Alors, écoutez chez bien, Huguette. Parce que là, c'est un extrait de dialogue. Et il faut bien écouter parce que c'est assez fleuri. Ça vous écorcherait les lèvres de me parler à moi, sale con? Attention à ce que vous dites. Je dis que le cadavre d'un mec flotte au milieu des poissons dans le fleuve. On a envoyé une voiture sur les quais, madame. Madame, je suis dingue, moi. Et on n'a rien trouvé, ni cadavre, ni rien du tout. Ben vous avez qu'à faire draguer le fleuve et chercher le tueur aussi. Faites votre boulot de flic au lieu de faire chier le citoyen. Oh mais continue comme ça et je vais te nettoyer ta grande gueule avec une pelle à purin. Mais c'est seulement et je te bourre les couilles de cou jusqu'à ce qu'elle te ressorte par les trous de nez. Wow. Alors là j'avais dit que c'était fleuri. Hein. Est-ce qu'il y a un acteur le crâne rasé? Enfin du moins qui a été un acteur hégémonique, j'irais dans de... Il a le crâne rasé. Là, non. Non. À première vue, ça me dit rien. Il n'y a que ça. Voilà, on le connaît pendant plus de 20 ans avec le crâne rasé, non? Non, non, là ça me dit rien. C'est un titre anglophone? Oui. Et c'est un rapport avec les Rolling Stones? Oui. D'accord. Ah, bien joué. Ouais, bah tu vois, j'ai oui. Bravo. Bravo. Ouais, bah oui. Alors, oui. qu'est-ce qui t'a mis sur la voix? Bah, la voix. Cherche pas. C'est vrai? Bah oui. Alors absolument. Que c'est pas ça. Non, ça je va, sais, mais j'ai reconnu le style. Ok, d'accord. J'ai reconnu le style. Ouais. Daniel, non, je peux même te dire que sur l'affiche, elle saute. Oui. Oui. Alors. Daniel, je vais. Non. Je vais vous passer un autre titre. Écoutez bien, c'est celui-ci. J'adore. Alors donc ça c'est The Supremes avec ouais. You Can't Hurry Love qui a été repris par Phil Collins quelques temps plus tard. Alors Marjorie, t'as une petite idée ou pas? Ah du tout. Ah ouais. Du tout, non. Bah si, je viens de le dire hors antenne. Tu m'as dit tu triches pas alors. Non, j'ai pas triché, ouais, mais elle pas t'écoute pas en fait. Non. Ouais, mais personne m'écoute. Tu m'as dit de ne pas parler, alors je parle pas. Personne qui. Alors je vais vous passer un deuxième extrait du film qui est celui-ci. Jack. Alors, camarade, c'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que le consulat a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Le consulat a dit, pas de département C. À qui vous êtes-vous adressé? Oh, j'adore votre syntaxe. Jeremy Talbot. Il a dit qu'il ne vous connaissait pas, mais j'ai comme l'impression qu'il mentait. Situation troublante, sans blague. Mais quelle est au juste la situation? Piégé doit quitter l'Europe de l'Est très vite. Alors, ah oui, oh, apparemment, Onisha allez. Aurait trouvé le film. Alors, un indice. Alléluia. Elle est black. Bien. Oui, le personnage principal. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Le personnage principal est black. Ah ouais, ouais, c'est le seul film que j'ai vu, je pense. J'y crois pas. Ah, parce qu'en plus, tu regardes même pas les films que je mets après. Bah non. Ah, sur la page. T'as regardé ça, la, c'est bien. T'as regardé la couleur professionnalisme. Alors... Ouais, elle regarde pas les films. Hein. Ah si, j'adore. Mais là, il y a de la musique et tout. Moi, j'aime bien quand il y a de la musique. Ah ouais, mais il y en a plein là. Oui, ah, j'adore. Effectivement. Alors, Marjorie, Non, j'ai pas d'idée. Il y a certaines musiques, oui, je connais, ouais. Mais le titre du film en lui-même... D'accord. Alors, je vais donner le pitch du film, et ensuite, je vais revenir sur les deux dernières musiques, qui sont globalement les mêmes, mais interprétées par deux artistes différents. Alors, donc, c'est Terry Doolittle, qui est une employée de banque distraite, qui travaille à la First National Bank de New York, et qui passe ses journées à communiquer avec ses clients via son ordinateur. Un jour, elle reçoit un message de détresse chiffré lancé par un agent secret anglais en mission derrière le rideau de fer. Cet agent se fait appeler, donc par le titre du film, que je ne citerai pas tout de suite. Et donc Terry n'hésite pas à lui venir en aide sans savoir qu'elle devient ainsi la cible d'une vaste affaire d'espionnage et est poursuivie par le KGB. Alors, est-ce que ça te met un peu plus sur la voie? Non. Bon. Non. Si elle fait la folle et tout avec son chat. C'est pas Onissa peut peut-être donner la réponse. Non, non, non, il n'y a pas fini. Bah, je vais passer la chanson, la chanson d'origine. Bien sûr. Et Onissa va nous donner le titre. Jumping Jack Flash. C'est ça, oui. Effectivement. Oh yeah, pour une c'est fois. Jumping Jack Flash. Ah non, je connaissais pas. Donc c'est avec Whoopi Goldberg et Stephen Collins dans les deux rôles principaux. Un beau film. Enfin, moi j'ai adoré. Ouais, c'est un comédie, bon film. C'est une comédie, ouais, c'est... Non, mais sympa. Moi, comédie d'espionnage, c'est un peu particulier. Il y a quand même une histoire derrière. On n'arrive pas à se dire si c'est une comédie pure, si c'est un film d'espionnage, c'est un peu entre les deux. Bah, c'est Whoopi Goldberg, hein, donc un film qui à part la couleur propre. Ouais, moi j'aime bien. Hein. J'adore, hors antenne, c'est comme quoi Harry entend très bien, je lui dis c'est The Wall avec Pink Floyd, il me dit oui. Je dis ah ouais, d'accord, je l'ai pas vu, c'est pas du tout The Wall. Ah ben non, c'est pas que j'ai entendu. Bah, t'es con toi. Ah mais j'ai donc, je t'ai pas écouté en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Tu encore un qui t'a pas écouté. Encore, mais personne m'écoute. Et donc, l'autre version du film qui fait le générique de fin du film, c'est celle-ci de Aretha Franklin. Presque autant cette version-là que celle des Rolling Stones. Et bah alors il faut savoir que là c'est les Rolling Stones qui jouent quand même avec Aretha Franklin. Ouais. Et dans le clip il y a également Whoopi Goldberg. Ah ouais, pas étonné. Ouais. Alors donc oui, j'allais dire c'est le deuxième rôle de Whoopi Goldberg. Le premier c'était La Couleur Pourpre. Oui. Le deuxième c'est celui-ci, donc après le rôle de Célie dans La Couleur Pourpre. Mais c'est également son premier rôle comique. Bah oui, Célie, c'était pas tellement comique pas... dans le film. Non, non. C'est également le deuxième rôle de John Lovitz, qui jouera ensuite dans un autre film de Penny Marshall, donc qui a réalisé le film, qui s'appelle Big, avec Tom Hanks. Ah, j'adore. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. J'en avais parlé de ça, par contre, déjà, de Big. Ouais. Alors, James Bellucci est crédité en tant que Jim Bellucci. Donc là, c'est son surnom, hein. C'est James Jim, machin. Et donc, il joue le rôle du camarade Zarkov, mais en fait, il incarne également le rôle du réparateur, du chauffeur de taxi et du policier qui doit normalement attraper Whoopi Goldberg pour, en gros, l'exécuter. Whoopi Goldberg est doublée donc par Jacqueline Cohen, mais c'est depuis le film La Pivoleuse qu'elle est doublée par Mike Darragh, avec la voix qu'on lui connaît actuellement, Jonathan Pryce alias Jack, quant à lui, est doublé par Daniel Auteuil. Ah ouais, ah ouais, tiens. Eh ouais. Ah. Alors et bon, et on l'a entendu tout à l'heure alors. Non, parce que là, tout à l'heure, c'était que Whoopi Goldberg qui faisait les questions-réponses, elle lisait sur son ordinateur. D'accord. Mais à un moment dans le film, on voit qu'elle lit les réponses, mais on entend la voix de Daniel Auteuil. Ah d'accord. Ah bon ? Oui. Ben oui. Ensuite, Penny Marshall réalise par contre ici son premier film. Elle réalisera donc 2 ans plus tard le film Big avec Tom Hanks ou encore L'Éveil avec Robin Williams, ah, qui est très dont beau on aussi, parlait hein. tout à l'heure, ouais, mmh. et Robert De Niro. Ça, c'était en 90. Et donc, initialement, le rôle de Terry, donc, qui est joué par Whoopi Goldberg, avait été écrit pour Shelley Long, pour véritablement lancer sa carrière, mais le script a tellement été remanié et souvent réécrit sur le plateau même, que le rôle revint finalement à Whoopi Goldberg. Le rôle de réalisateur passa également de Howard Ziff à Penny Marshall. Bon, il faut dire que Shelley Long, elle a pas décollé hein, sa carrière. Là, c'est qui déjà ? J'ai regardé un petit peu, j'ai regardé, je la connais pas. D'accord. Elle a joué dans des petits films. Il voulait lancer vraiment sa carrière avec ce film. Résultat des comptes, elle a pas joué dedans et sa carrière a pas décollé. Elle a refait que des petits films. D'accord. Shelley Long. Ouais. Shelley Long. N'a pas décollé. Non. Il y a une voilà. blague derrière tout ça. Non, mais je, voilà sur ce que j'ai pu trouver. Il n'y avait pas grand chose à trouver dessus, malheureusement. Alors, je crois qu'auprès de Marjorie, tu as fait chou blanc parce que ça ne te parle pas du tout. Non, pas du tout. J'avais que 12 ans à l'époque, donc je t'avoue que c'est pas forcément mais ce que je regardais. Moi, j'étais pas né hein, pourtant. Et sans doute, tu as trouvé le maître d'école qui était de la même année. Ouais. Enfin, c'est connu. En 58, t'avais 12 ans. Ouais, 58, j'avais. Mais regarde, ça se voit pas en même temps. Non, mais voilà, Coluche, bon, voilà, c'est un peu notre jeunesse et voilà quoi. Mais t'étais pas né. Mais qu'importe, hein, on se connaissait déjà. Hein, dans une vie antérieure, peut-être que j'étais déjà né. Hein, peut-être. Oula. Oula. Oula. En plus, elle fume. Non, aussi, voilà, moquette. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur Marjorie. On va quand même se faire une petite coupure musicale, évidemment. Et revenir donc sur Marjorie et évidemment alors sur Marjorie ouais on va tous sur Marjorie j'ai mon fils qui surveille maman bah oui évidemment j'ai bien fait de revenir à l'heure. On se fait une coupure musicale et puis on va reparler évidemment bien sûr du défi extrême mais nous parler aussi du festival Godspell n'est-ce pas absolument et la tournée speak off comment ouais. Ouais. Et ben écoute j'aurais bien envie de remettre Aretha Franklin avec bien sûr. Avec celui-ci. Donc avec Jumping avec Jack Flash. J'adore Flipka qui fait oh ouais. Yeah. Ouais. Et ensuite on va rester un peu dans le rock avec ZZ Top et Gimme All Your Lovin'. Yeah. Allez, c'est parti. C'est un festival ce soir. Eh ouais. Yeah. Et voilà, voilà. Nous voilà de retour, toujours sur RQC 95 FM. On avait comme premier soir Aretha Franklin avec Jumping Jack Flash et à l'instant ZZ Top avec Gimme All You Loving. Waouh, ça c'est de l'accent. Et on a l'impression franchement que t'as vécu en Angleterre. Presque. Ouais, carrément. Il a vécu dans une anglaise en fait. Canon sort de ce corps. Oh non, parce que si j'y étais, Sherlock voudrait pas que je sorte. Pardon. Non, mais c'est Satan. J'ai rien dit. Bon, allez, redevenons sérieux. Redevenons sérieux parce que nous sommes quand même ce soir avec Marjorie de Mullier qui Tu n'es pas sérieuse. Qui n'est pas sérieuse. Non, parce que du coup, avec. Elle a un sujet sérieux, mais elle n'est pas sérieuse. Le défi extrême, c'est. Enfin, si, c'est très sérieux, même. C'est chaud, c'est très chaud, on en a parlé, non, on en reparlera. Mais il y a quand même une... Puisque tu as plusieurs cordes à ton arc, et Dieu sait qu'il est grand ton arc, t'as une corde qui est artistique, puisque mais tu chantes aussi également. Ouais, je chante en tant que choriste dans le gospel. Ouais. J'ai cette chance de bosser avec Gaëlle Loré, la preuve, on a écouté un morceau la dernière fois. Donc ouais, je bosse avec elle, si je peux trouver des contrats, des infos, etc. Ben, je check un peu avec elle, et puis ben, j'écris pour pas mal d'artistes également. Donc toujours dans le milieu gospel, donc ce sont des amis. Donc tu es auteur. J'ai toujours aimé écrire, donc j'ai commencé... Français ou anglais ? Français. D'accord. Français. Donc voilà, j'ai toujours aimé écrire. J'ai commencé à 10 ans à écrire. Tu écris gospel français ? En gospel français, ouais. Ça peut donner quoi, par exemple, alors ? Ben, ça peut donner... Enfin, c'est toujours des messages de foi et d'espoir. Ouais. Enfin, ça reste toujours dans le positif. Bien sûr. Toujours parce que, ben, voilà, on se nourrit tellement de négatifs qu'à un moment, il faut inverser la donne et prendre. Parce que dans le positif, il n'y a jamais d'effet secondaire. Tu peux prendre ça en dose illimitée, ça fera que du bien, de toute manière. Donc, ça reste toujours des messages, je pense, d'espoir et de positivisme, et de dire, allez, crois. Crois en toi, crois en la vie, crois en la foi. Enfin, moi, je crois en Dieu. Je n'ai pas peur de le dire, on me dit, ah, mais Dieu, ben, écoute, pour le moment, il me permet de rester encore sur Terre, malgré tout ce qui m'est déjà arrivé. Parce que, ben, voilà, depuis 2005, les galères santé, j'en ai quand même connu pas mal. J'ai subi une quarantaine d'opérations déjà. Ah oui. Et je suis encore là. Et je suis encore là, des adieux que j'ai dû faire devant ma famille parce que les médecins me laissaient 30 minutes de vie. J'ai fait. Et je suis encore là. Alors, ou je suis trop bavarde et il ne veut pas de moi. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Hein. Peut-être ça. Mais il reste sur Terre. Il y a trop de blondes là-haut. Voilà. Non, mais voilà, je fonctionne avec la foi et je sais que... Voilà, je sais que moi, il y a quelque chose là qui m'aide beaucoup. Et si c'est la foi, c'est tant mieux. Et si c'est la foi, c'est tant mieux. Parce que ben voilà, je fonctionne comme ça avec l'amour et puis je suis dans le milieu gospel forcément, donc j'ai mon pasteur. Ah forcément, pourquoi non ? Comment ça t'est venu ? Parce que mais parce que je vais t'expliquer, j'ai commencé à faire ma première tournée gospel en 2010. Ouais. Donc parce qu'avant je m'ai chanté au karaoké pour mon anniversaire où j'étais super timide avec mes copines et je n'osais pas. Mais ah j'imagine, ouais, encore une nouvelle année. Mais voilà. Mais c'était au People Café à l'époque, donc avec Cathy, et voilà, c'est là où j'ai rencontré la première fois un micro. Ouais. Puis elle m'a dit, mais viens chanter au gospel. Mais c'est quoi le gospel? Je connaissais pas du tout. Elle m'a dit, bah, viens goûter. Donc le lendemain de mon anniversaire, je suis allée avec la voix complètement pétée, tu penses bien. Et pas et que. Puis, je ne bois pas d'alcool. Ça, c'est un truc, je ne bois pas d'alcool. Non, mais il ne parlait pas de ça non plus. Je me permets trop fort. Ça allait très bien. Mais tu sais à quoi sert un canon, c'est le servir de prête-nom en disant c'est ce qu'il aurait dit. J'aurais jamais dit ça. Non, j'ai pensé. J'aurais dit bien pire. On fait ce qu'on peut, ce qu'on a. Absolument. Ça, c'est à Sherlock. Il me dit recul, tu vois. Donc voilà, je suis allée le lendemain à mon anniversaire et puis j'ai rencontré. Didier Liking, qui est un chef de chœur et un artiste gospel. Enfin, il est connu mondialement, ce gars. Il écrit, enfin, il chante avec les plus grands. Il a chanté même avec Lara Fabian. Il joue pour de grands artistes. Et puis, je l'ai rencontré là en 2010. Et puis, bah, je suis tombée amoureuse du gospel parce que je me dis, mais enfin, c'est ça. C'est des messages de vie, d'espoir, machin. Et bah, ça fait du bien. Ça fait franchement du bien. Et j'ai commencé en 2010. Et puis, petit à petit, bah, l'oiseau a fait son nid. Et puis j'ai rencontré la foi et bah, je me dis, bah, ok, finalement, c'est bien de se nourrir de foi et d'espoir et d'amour. Et puis ben voilà, ce sera ma 7e tournée cette année, Gospel for Life. Alors quand tu dis tournée justement Gospel for Life, c'est en ce moment, c'est ça? Je viens de terminer les 4 premiers concerts. Ouais. Donc on a chanté jeudi à Spa, vendredi à Liège, samedi à Nivelles. Dimanche à Namur. Ouais. Et là, tu as encore d'autres dates Et ben, on recommence fin de semaine sur Bruxelles. Et en fait, on tourne jusqu'au 22 décembre. Et quand est-ce que tu fais ton défi extrême là, tu fais quand, l'entraînement. Et je le fais le 10 et le 11 décembre. Donc je m'en vais le 9 parce qu'on prend l'avion pour aller jusque-là. Et je reviendrai le 12 pour continuer la tournée après. C'est génial. On dirait ma vie. Je vais pas partir sur un truc que je suis pas capable de faire. Donc moi, j'ai donné ma parole pour le défi. Et puis moi, j'ai signé mon truc pour le Gospel for Life jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. Et je vais pas non plus me péter la voix. Donc il y a des fois, comme toi, Dom, t'es chanteur, il y a des fois, on se donne un peu plus douce. Enfin, sa voix, on a la voix pétée. C'est certain. Donc maintenant, je suis dans le pupitre de soprano, donc de voix de tête. Ouais. Donc. Il va falloir que tu m'expliques, parce que moi je suis complètement novice. Hein. Voix de tête, ça veut dire quoi? Une voix très haute. D'accord. Voilà, puis il y a les altis, il y a les basses et les ténors. Et, toi, t'as une voix de pied. J'ai une voix de cul, j'ai une voix de merde, c'est ça? Oui, il y a le ténor. Pour situer. Tu serais bien dans les ténors. Pour situer, tu vois, il y a le ténor, la voix de tête, il y a la voix de cul. Excuse-moi, j'arrive à chanter vieille canaille, moi. Ouais, c'est vrai. C'est très bien. Quel état? Bon, ça, c'est autre chose. On s'en souvient. Non, donc voilà, j'ai cette chance de pouvoir travailler dans ce milieu gospel-là, de pouvoir écrire les scénarios des clips des chanteurs et des chanteuses avec qui je bosse. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est donc Carolina Johanna, qui est une amie artiste gospel également, donc j'ai eu cette chance de pouvoir écrire son scénario pour son premier clip vidéo qui est Un Miracle, qui est juste... C'est le titre, Un Miracle. Ouais, hein, Miracle, donc on peut le découvrir. Et j'ai pas voulu partir au bout du monde pour faire ce clip vidéo là, donc on est parti à la mer du Nord. Ah oui. Parce qu'il y a de très chouettes endroits également, et on n'a pas besoin d'investir des millions, et on a fait ça à Dehaene. On a fait une partie à la gare de Guillemin, à Liège, qui est très belle également. Et puis on a fait la suite à une partie à Ostende. Et puis la dernière partie à Dehaene. Oui, mais vraiment. Ça, c'est magnifique, c'est des endroits. Et il y a vraiment une très chouette passerelle. Donc c'est dans, comment on appelle, la réserve naturelle sauvage. Mmh. Et il y a toute une passerelle de bois qui est là, qui va de la route jusque sur la plage. Et juste quand on se met dessus, on a l'impression qu'on est au bout du monde parce qu'on n'entend pas la voiture, on n'entend rien. Ouais. Okay. Pas de la canon, nature. Rien du tout. Ah ben, les canons y est souvent pour faire des photos. C'est vrai. Ouais, c'est un endroit. Il y a paraît, beaucoup, ouais, il y a paraît, j'ai déjà entendu parler. On fait l'avantage beaucoup, que quand on fait beaucoup tire de shooting des photos, photos. Il parle pas. Voilà. Donc, oui, quand je tire, je ne parle pas. Voilà. Donc voilà. J'ai fait celui de Carolina. J'ai participé également. Non mais attends, quand tu dis tu fais le scénario, c'est-à-dire que tu. J'écris. Là carrément, donc tu fais le pitch carrément en fait. Exactement. Voilà. Je donne mes. Moi j'aime ça. Je pense que j'ai peut-être cette faculté de pouvoir écrire facilement les choses. Parce que j'écris par mon cœur, etc. Et quand j'entends une musique, je projette déjà l'image. Donc je l'ai fait pour Carolina Johanna, je l'ai fait pour Matt Marilyn, qui a écrit Alpha et Omega, enfin qui a chanté Alpha Omega. Et on a fait ça à la Louvière Sud, dans le cimetière des trains. Mm-hmm. Donc les vieux trains, les vieux wagons. Oui, et c'est juste fabuleux. Quoi, c'est où ça? À la Louvière Sud. Ah, donc c'est du côté de la Louvière. Il y a cimetière de. Il y a le cimetière de vieux trains. C'est juste super beau. Une ville, voilà. D'accord. La ville dans laquelle vous retrouvez quand même Medrano, quoi. Et ben voilà, ça reste toujours par chez nous. Tu connais pas Medrano? Ben, pour la petite information, c'est lui qui a quand même fait le spectacle de Céline Dion à Las Vegas. Et elle est allée. Dragon. Mais ça s'est passé à la Louvière quand même. Oui, d'accord, non, mais c'est un magnifique spectacle d'ailleurs. Céline est très contente comme ça de vous rencontrer, là. On va dire. Oh, dis donc, en plus, imitatrice. Et elle voulait pas le faire, c'est René qui l'a forcé. Ouais, non, mais voilà, donc j'ai cette chance de pouvoir faire ça. C'est la seule fois qu'il a forcé. J'ai écrit pour Nolan, que vous avez rencontré là il n'y a pas très longtemps. Oui, bien sûr. Donc, je lui ai écrit également un titre qu'il a apprécié. Donc il y a peut-être. Je sais. J'ai su. T'as lu peut-être déjà. Non. Pas ça s'appelle comment ce titre? Ah, ça je dirais pas. Ouais. Ah ouais, pour l'instant c'est. Ah, d'accord. Mais vas-y, on peut pas avoir l'exclu, c'est dingue. Ah bah c'est Nolan. C'est sympa que ce soit lui qui le fasse. C'est lui qui le fera. C'est un petit cadeau, donc moi je lui donne et j'aime ça donner aux gens que j'apprécie. Et voilà, c'est mes petits cadeaux. Et là, moi, tu me donnes quoi? Mais si tu veux que je t'écrive un texte, je t'écrirai un texte la prochaine fois. Non, par contre, j'aimerais bien les lire, parce que ça m'intéresse. Les lire, j'aime beaucoup. Tu vas sur la page. Les lire, oui. Oui. Et puis, tu verras chaque. Là, ces derniers jours, j'ai pas pu le faire parce que j'étais là-bas un peu en mode pigeon voyageur, mais j'essaye de la mettre, chaque jour, d'écrire un truc positif dessus. Comme sur la page de soutien à Marjorie dans son combat pour remarcher. J'essaie toujours à travers les images de dire, ok, c'est peut-être compliqué, mais tu peux le faire, t'es handicapé, c'est pas grave, fonce. Mon cousin est paraplégique, il est champion de Belgique en tennis. Champion de? De tennis. Ah ouais. En fauteuil. C'est vrai, en fauteuil. Ah, c'est excellent. Ah oui, c'est sûr. Et ben voilà, et alors quoi? Il est champion, c'est pas parce qu'on a un problème physique que la vie s'arrête. Oh bah oui, non, mais ça c'est sûr. Je pense que son problème, il faut en faire sa force. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, t'as réussi. J'ai pété un steak là parce qu'il a fallu très longtemps avant que j'encaisse, parce que j'étais très en colère sur ce qui m'arrivait, parce que je me disais, bah, attends, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, je peux plus marcher, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire le SAMU, je bossais en service d'urgence. Finalement, bah, même porter un brancard, c'est même pas possible. Ouais. Ouais, voilà. Je bossais dans l'enseignement spécialisé, coach sportif, bah, il y a plein de choses qu'on peut plus faire. Je dis, ok. Donc on a cette colère en soi, cette frustration de dire, merde, j'ai pas déconné, et puis ça m'arrive. Et finalement, ben, grâce à la maladie, et je dirais grâce à la maladie, et merci peut-être, grâce à la maladie, je découvre une nouvelle orientation dans ma vie où je suis absolument épanouie. Plus que dans mon travail. Et ça se sent. Et je suis heureuse. Oui, il a une force. Et je suis heureuse finalement, grâce à tout ça, j'en suis là aujourd'hui et je dis merci. J'ai dû merci aux docteurs qui m'ont dit plein de fois que j'allais mourir, parce qu'ils ont le tour d'abord. Ouais. Mais qui m'ont peut-être, à travers ces phrases, qui me disaient, ouais, vous allez mourir, madame. D'aller chercher au-delà de moi. Cette force de dire, bah, t'as tort, mon pote. Tu sais, moi, je m'appelle pas numéro de dossier intel en disant pathologie intel. Moi, je m'appelle Marjo. Et j'ai envie de te dire merde, sans être vulgaire. Et je vais gagner. Oh oui, merde ici, c'est pas vulgaire. Ouais, aujourd'hui, beaucoup plus vulgaire. Voilà, si je peux t'aider, tu me dis. Hein, mais ça se ressent hein, quand tu parles. Moi, il y a une phrase qui me vient à la tête quand tu dis ça, Marjorie. Et j'adore cette phrase. C'est quand je me vois, je me déçois, mais quand je me compare, je me console. Et quand je te vois, vraiment. Je me dis, mais j'ai pas de problème, j'ai aucun souci, personne n'a des problèmes autour de la table. Et positiver, c'est très très important. Et je pense que tu nous l'apportes, ce positif, ces ondes positives, c'est terrible quoi. Mais c'est ce que j'essaye de faire à travers les gens, à travers ma famille, de donner ce que je peux même à mes enfants. Donc eux, je sais pas comment ils gèrent un peu tout ça, mais. Apparemment, Charlie, il le gère très bien. Il le gère très bien, ton garde du corps qui est avec toi. Charmant d'ailleurs. Onisa, il est trop jeune. Mais il a l'âge de mon fils. Non, j'ai le corps. Non. Nos enfants. Moi, je pense que tu lances un beau message d'espoir et puis bah, et tu de vois, partage, Sherlock, ça te laisse des chances. Voilà. Tu vois, tout n'est pas perdu. Enfin, lui, il croit en Dark Vador. Excuse-moi, mais. Non, à partir du moment où tu crois en tes valeurs, que tu crois en ce que toi t'es, je veux dire, ah, voilà, le reste, tu t'en fous, quoi. T'es en vie. Tu sais ce que tu vaux. Souris-toi à toi-même, aime-toi. Non mais je plaisantais, hein, parce que il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui croit en toi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est un message pour tout le monde. Je pense que l'important de s'aimer soi-même également, parce que comment tu peux aimer quelqu'un d'autre si tu t'apprécies pas toi? Comment tu peux apporter un sourire à quelqu'un si t'es même pas foutu de te sourire à toi-même? Mais c'est ça, c'est vrai. Hein. Moi le matin quand je me regarde, faut pas avoir de miroir, je me kiffe. Si. Mais si ça. Mais moi quand je me regarde le matin dans un miroir, je me kiffe et dès que je me retourne, je me dis si j'étais homo. Ah mais non, mais si, il faut s'aimer. Non mais c'est important de s'apprécier. Donc voilà, impossible donc, d'être sérieux. Ah, mais il faut un peu détendre aussi. Non, mais je me moque pas de toi, tu le sais bien. Non, mais je veux dire, c'est pas ça. Il faut vraiment vivre. Et... Oui, vas-y. Marjorie, oui. On va redevenir sérieux parce que c'est l'heure, évidemment, fatidique. Pas fatidique, mais c'est l'heure, évidemment, de la chronique Legacy, Rock Legacy de notre ami Flipkat. Si tu me permets, je voudrais juste remercier les personnes qui me coachent et qui m'aident. Donc, bah voilà, j'ai le club de plongée là, qui est de Mont-Saint-Barreul, qui est là, le club Palme. J'aimerais également remercier ma kiné, parce que grâce un peu à elle, j'en suis là. Le sponsor Gosport est un puits qui m'offre les fringues pour partir là-bas. Ah oui, quand même. Donc, il m'offre le manteau, le pantalon, donc ça coûte quand même un... Avec l'association Révuné, toi, non? Voilà, enfin, voilà, ils connaissent, donc c'est leur sponsor officiel. Donc, il a offert ses fringues à moi, mais également à ma coach. J'aimerais remercier également Déborah, qui m'offre sa salle. Pour les entraînements quotidiens. Et puis Yves Montu, qui est le producteur d'une chaîne de télé américaine, avec qui je vais bosser. Il s'appelle comment ? Yves Montu. Donc, c'est le cousin de Yves Montand. Voilà, Yves Montand. Ouais, c'est les Blacks, lui. En fait, c'est le White and Black. Mais voilà, qui me permettra également d'atteindre d'autres horizons, d'autres continents, et qui va suivre l'événement avec une télé. Donc, il va déjà me suivre jeudi sur la salle. Il viendra me suivre avec des séquences en piscine. Et puis là-bas dans les montagnes. Donc on aura des images. Donc on pourra suivre ça. Oui. Mais écoute, ça va être bien. Donc ça va être sympa. Donc, et c'est ta GoPro. Hein. Et j'aurai ma GoPro. Et ton micro sous aussi. Voilà. Ah oui, ça serait bien. Bah, tu prends si tu veux parler. Hein. Non, j'aurai et une GoPro. Et sa GoPro, ça va être important. Ouais, c'est ça. J'ai envie de partager ce moment sous l'eau avec tout le monde. Donc peut-être que tout le monde tiendra en apnée derrière son écran. Ça pourrait être sympa. Non, mais même pour toi, après, quoi. J'ai envie de montrer ce qui se passe sous l'eau et les conditions, parce que quand on fait l'ascension, on fait le rappel, le canyoning, on sera en groupe. Quand on sera sous l'eau, on sera juste face à face avec soi-même. Ouais, c'est ça. Et c'est là on se dit, aller au-delà de ses limites, Il y en a qui pensent, ouais, je peux faire 10 secondes, maintenant, je t'en ferai 15 parce que je sais que tu peux le faire. Et j'ai envie de partager ce moment. Et puis même, l'eau est un élément particulier. Quand tu te retrouves plongé comme ça, tu te retrouves vraiment en tête à tête avec toi-même. Et ça, c'est une expérience. Ça lui est arrivé une fois, de barre de l'eau. Commence, mais... toi. J'ai même envie de rajouter qu'Onissa, souvent, elle est sous l'eau. Non, mais c'est, franchement, allez, si, c'est une expérience. Ah oui, énorme. Enfin, je partagerai ça, j'essaierai de vous balancer les images. Donc voilà, c'est les personnes que j'aimerais vraiment remercier. Jean-Jacques Batoum, Déborah Deblot. Voilà, toutes les personnes qui m'encadrent et qui me permettent de m'entraîner dans les conditions optimum, surtout parce que ben, je ne veux pas me mettre en danger non plus. Quoi. Bien sûr, bah, oui, il faut. Voilà, il faut penser à tout, à mes enfants là et puis là-bas. Alors Marjorie, si je te parle des baseballs, est-ce que ça te parle? Tu m'en as parlé tantôt, mais je n'ai pas eu les réponses. Ben, tu vas avoir les réponses tout de suite là, présentement. Donc, à la demande de mon ami Harry, j'ai préparé une petite chronique parce que bon, non, pas années 80, campagne. Pas forcément. Pas du tout. Ouais, je vais même te dire. Alors, le groupe, je le savais, était tout à fait récent puisque c'est un groupe qui était fondé en 2007. Oui. Un groupe berlinois de surcroît, un trio, mais uniquement de chanteurs. Hein, donc, à la base, évidemment, en tournée, ils sont accompagnés de musiciens. Donc, fondé à Berlin en 2007, ça je l'ai dit. Ils sont composés de Sam, Digger et Basti. Alors c'est pas leur vrai nom, hein, ce sont des nicknames. Ouais. Non, parce que Sam déjà c'est Sven Boudia, Digger c'est Rüdiger Brands, puisque sur le banc. Hein. Et Basti c'est Sébastien Ratzel. Bah allez, c'est bien pour les nicknames. Ouais, bah voilà. Hein, donc on va rester sur les nicknames. Ouais. Alors, ils sont accompagnés à la guitare de Lars Vegas, Klaas Wendling à la contrebasse, Jan Misser. Lars Vegas, ouais. Faut aller le chercher sur. Ouais, ouais. C'est pas de sa faute, ce garçon, c'est un nom pour sortir. Et Jan Misser au piano, je sais pas si c'est une misère ou pas, mais enfin bon. Et Thomas Svensson à la batterie. Alors ben, le groupe s'est fait connaître surtout grâce, on en avait parlé brièvement la fois dernière, des reprises de chansons modernes. J'ai regardé, ils ont fait à peu près, j'en ai dénombré 32 covers de titres modernes, puisque ce sont tous des titres d'au moins situés entre 2000 et 2007 à peu près, ouais. À date de leur création. Très connus en les jouant dans un style bien particulier, qui est le style rockabilly, hein, musique des 50s. Alors évidemment, avec un premier titre, une reprise de Rihanna, ce qui a fait Umbrella, j'adore. Un des deux singles, et le premier, très bon, très Umbrella, bon. Que voilà. J'adore. Never be a world apart, or maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could know that was gonna be down till the end. Franchement, je suis fan déjà. Ouais. Ah ouais, je trouve ça frais comme truc. Bien sûr, mais. Tu connaissais pas? Ah non, je connaissais pas du tout, non. Ah non, je découvre. Il y en a d'autres. Je vous invite à aller sur YouTube parce qu'ils en sont à l'heure active. Ils ont 4 albums hein, depuis 2007. Le premier n'est pas fait essentiellement de cover. Les deux suivants, mais il y a quand même 32 reprises. Ouais. Alors, comme je le disais, deux titres nettement plus modernes, c'est-à-dire deux titres qu'on va trouver depuis les années 2000 jusqu'à peu près 2007. D'accord. Je m'attendais à trouver un peu plus de covers des années 80. Mais non, mais bon, c'est pas grave. Mais ce sera l'occasion, c'est pas grave. Je vais rebondir sur un autre groupe nettement moins connu qui le fait dans un style nettement plus rockabilly, on va dire. Ouais. Avec des covers des années 80, des grands titres phares comme on a l'habitude de passer ici dans l'émission. Alors, donc, évidemment, ça c'est le titre Umbrella, le premier single qui a contribué à leur succès. Et elle a été suivie d'une autre reprise en fait de Mademoiselle Katy Perry et qui s'appelait Hot and Cold. Ah oui. You're no good for me. cold, yes, then you'll know you're in and you're out, you're up and you're down, you're wrong when it's too light, it's black and it's too white, we fight, we wake up, we kiss, we make up, you don't really wanna stay. Dans quoi? Pourquoi une maison de retraite? T'inquiète que les papiers et mamie bougeraient. Ah oui, ah ouais. Mais ah ouais, là il y aura du déboîtage de hanches et des. C'est ça, ouais. Et des déambulateurs qui perdraient les caoutchoucs aussi, tu sais. Mais il y a des défibrillateurs. Ça pourrait être sympa, hein. Écoute, ils seraient peut-être bien contents. Eh ouais, ouais, ouais. Faudrait y penser, tiens. Alors, ben, donc, comme je le disais, les deux premiers singles qui ont contribué à leur succès, hein, donc ça, ce sont leurs titres phares qui les ont fait connaître dans plusieurs pays, notamment comme l'Allemagne, ben, évidemment, ils sont originaires de Berlin, la Finlande, l'Autriche, la France, bien entendu, et la Suisse. Alors, il faut savoir qu'Umbrella était leur version, hein, d'ailleurs choisie comme générique pour l'émission Le Bureau des Plaintes, qui était diffusée à l'époque sur France 2. Ah oui, ah bon, d'accord, c'est avec Jean-Luc Lemoyne, voilà, il me semble. Ah bon ? Ouf, ça me dit rien du tout. Hein. Ah ouais. Ça a fait un bide, l'émission. Ouais, ça a parlé de. Ouais, à mon avis, ça n'a pas duré bien longtemps. Et en lisant l'énoncé, en fait, j'avais dit tiens, ouais, ça va, je me souviens de cette émission. Et je me disais ça n'a pas fait long feu, mais tu confirmes. Alors, ils ont fait d'autres titres. J'en ai sélectionné quelques-uns parce que, bon, comme on le disait, ce sont plus des titres du début de 2000. Ils ont fait d'autres reprises comme celle de Beyoncé avec Crazy in Love. Ah oui, oui. Got me looking so crazy right now, your touch. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, your touch. Got me looking so crazy right now. So deep in your eyes, I'm touching you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Bon, c'est un peu moins glamour que Beyoncé, hein, mais. Ah, mais là, c'est une petite sonorité Elvis. Le mec qui chante absolument. Ouais, absolument. Ouais, bien sûr, ah oui, oui, bah oui. Ah ouais. Et je veux dire, pour un Allemand, au niveau de l'accent, c'est bon, quoi. Ouais. Parce que il y a des groupes, je suis désolé, j'ai déjà eu l'occasion sur scène de voir des groupes venant de le pays avec un accent exécrable. Ah oui, oui, il y a pas. Ouais. Alors donc ça c'était un titre de Beyoncé, où il y avait encore une autre reprise, on en a parlé tout à l'heure, Robbie Williams, dans la confusion avec Robin, oui, et son titre Angels. Ah oui. This is where we go when we're great and old. Oh, because I've been told that salvation lets their wings unfold. So am I lying in my bed, a thoughts running through my head, when I feel the love is dead. Well, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take. Ça donne des idées à Canon, ça. Des idées de scène. Et ouais, ouais, ouais. Bon, sur les covers, c'est sûr que pour certains titres, ça peut, comme on le disait, antenne peut-être être dénaturé, mais bon, c'est mais ça s'adapter dénature, au style. Hein, malgré tout, ça dénature le titre. C'est... Non, je disais le dernier, les autres sont très bons, mais j'en connaissais, mais pas tous, mais ils sont très très bons. Je dis le dernier, là, qu'on vient d'entendre, je trouve ça le dénature. Le refrain tient bien la route, c'est bien dans le rythme, c'est bien dans l'idée, c'est bien dans l'intention. Oui. Par contre, l'écriture du texte au départ, de quand il pose titanana, là, c'est vrai que c'est soutenu. On le reconnaît pas, de toute façon. On le reconnaît pas du coup. Je trouve que là, ça le dénature vraiment l'écriture du texte, quoi. Mais moi, ce que j'adore. Les autres sont très bons, après, ils peuvent pas toujours être. Ah, mais bien sûr. Mais ce que j'adorais dans ce groupe-là, c'est qu'à l'époque, je sais plus pourquoi j'avais écouté ça et le début on dit mais c'est quoi cette chanson et puis après on dit mais je connais ah oui, bien sûr. Mais c'est quoi et puis j'ai trouvé ça génial quoi, je trouvais que le fait de reprendre comme ça des titres version rockabilly, génial. Ouais. De la même façon, les mecs tout habillés en blanc, là, aide-moi. Les Vocapi Paul. Voilà, merci. Ouais, enfin là, c'est vraiment du. Non. C'est de la capella. Donc, D'un autre côté, ils arrivent à faire des titres, c'est magnifique et formidable, ils les revisitent. Il y en a, même eux, parfois les dénaturent aussi, parce que bah, tu peux pas faire vocalement ce que parfois tu peux faire avec vraiment des grandes envolées voilà, d'instruments. Ils avaient fait un Queen qui était Bohemian Rhapsody, qui était génial. Là, ça tient, parce que. Et d'un autre côté, ils en ont refait style Radio Gaga en essayant. C'est vrai que bon, c'est pas le. Oui, d'accord. C'est pas le truc de Radio Gaga, quoi. Voilà, je me tais. Mm-hmm. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors dans les. C'est vraiment une voix de cul. Hein. Je peux te tutoyer ? Oui. Je t'emmerde. Et il y a Marjorie qui l'a tué. Bah oui, maman veille au grain quand même. Mais maman l'a pensé. Papy l'a dit. Et comme je disais tout à l'heure, donc effectivement, ben j'ai fait une petite sélection. Il y avait beaucoup de titres que je connaissais. Je n'ai quand même pas sans vue dans les 32 covers que j'avais trouvés, parce qu'ils ont des compos également, il faut savoir, qui sonnent résolument 50s, rock'n'roll, rockabilly. Mais bon, il y a beaucoup de titres, même si je ne suis pas un adepte de la musique actuelle, que j'ai pu reconnaître plus facilement. Donc là, c'était une sélection. Et j'ai cherché un petit peu donc, dans ces 32 compos. Et très franchement, je n'ai trouvé qu'une seule compo de 88 d'un titre que vous connaissez, puisque j'ai déjà fait une chronique là-dessus. Rock 7. Ah ouais, ah oui. Avec The Look. Ah ouais, d'accord. 88. Man, I hate it like a hammer. She's a jelly mouse cow. Never was a critter. Kissing like a raindrop. She's gone for work. Heaven lay back, 'cause heaven's got a number. When she's turning around, kissing is a collar. Loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Naked to the table, there's a lover's disguise. Banging on the hat, rubbing, shake like a mad bull. She's got the look. Swing to the band, moving like a hammer. She's a miracle man, loving is the ocean. Kissing is the wet chair. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make her proud of getting a 10-foot when everything I ever do, I do for you. And I go, et voilà. Ah, excellent. Des chorégraphies live. Et oui, il y avait Marjorie qui nous faisait une chorégraphie là, assez sympa. Oui, d'ailleurs, il a fallu la faire descendre de la table. Si on la retenait pas, c'est pas qu'on soit fini. Il faut que je commence à prendre l'ascension. Voilà. C'est ça. Tu ramènes les autres packs aussi. Je reviens après le défi, vous en parler. J'aurais pu effectivement mettre d'autres titres, mais bon, je vous dis, je me suis amusé à les repasser un peu en vue quand même deux fois, même pas les titres entiers. J'ai fait une petite sélection ben, pour les titres pour moi qui étaient les plus qu'on pourrait reconnaître le plus facilement. Hein, mais bon, je vous invite, faites un petit tour sur YouTube. Il y a ce qu'on appelle les chaînes là, qui proposent quasiment l'intégralité des albums. Ouais. Et c'est pas déplaisant, avec aussi des compos. C'est assez sympa. Aujourd'hui, ben, à l'heure active, 4 albums. Le dernier en date 2014 et. Que je dis pas de bêtises, oui. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Je dirais, il n'y a pas eu d'infos comme quoi que le groupe était. C'était séparé. Ils ont pas mal tourné, mais il n'y a rien. On n'a pas eu d'écho non plus, comme quoi qu'il y avait d'autres choses en préparation. En France, ils sont passés quand même. Ils ont Umbrella, puis après, on n'en a plus vraiment. Oui, bah entendu voilà, parler, voilà. Quoi, mais, voilà. Et je dirais que même par rapport au public, ça reste quand même. Et là, je parle un petit peu je vais dire mon nom et ce que j'entends. Bien sûr. On est plus dans du commercial. Donc, c'est pas. Oui, pour un puriste. Au niveau de l'impact, je dirais qu'ils ont un peu le cul assis entre deux chaises, si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Mais donc, voilà. Pour un puriste, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont fans de rockabilly ne sont pas forcément fans de baseball. Ah, bah nous, c'est pas ce qu'on va les voir. Non. Parce que d'accord. C'est pas c'est un petit peu trop. C'est trop clean. Déjà, le look des mecs, hein, c'est pas ça, c'est soigné. On voit qu'il y a un côté commercial, mais ouais, même musicalement, c'est trop clean. Ouais. C'est, voilà. Donc, c'est pas le genre de truc qu'on va courir. Ça fait combien de temps qu'ils se produisent ? Depuis 2007. Et apparemment, il n'y a plus rien eu depuis 2014, quoi. 4 albums à l'heure. Ah ouais, ils ont fait 7 ans. Ça me fait penser une fois, tu me parlais à Madonna, aide-moi. Avec Madhouse voilà. Non, mais je veux dire Madhouse qui avait repris. Mais non, mais c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai. Madhouse avait fait. En attendant, ils ont vendu. Les mecs, ils ont repris ça en mettant un. Derrière, ils ont vendu des millions d'exemplaires. Like a Prayer, je crois. Ça va un moment, et les gens disent, ouais, mais dès qu'ils en reprennent une, c'est génial, ça va un moment, quoi. C'est qu'après, les gens, ils n'ont pas leur public, c'est soit c'est Madonna, soit t'aimes un peu la techno et tu dis, ok, c'est bon, de la techno un peu sur Madonna, mais à un moment, ils peuvent pas faire autre chose, quoi. Non, c'est vrai. Chacun son truc. Les Schtroumpfs avaient fait aussi des albums comme ça, ça n'a pas duré. Ils ont fait un moment, et à un moment, bah, tu t'épuises parce que si, soit t'es rockabilly, je comprends. Les mecs, ils sont un peu dotty, là, ils arrivent, ils font du rockabilly, soit ils font de la reprise, mais dans ces cas-là, c'est des phénomènes, c'est cuit. Mais c'est vrai, hein, les Schtroumpfs avaient fait 3 albums comme ça, et après, ça, on les a plus entendus. Et ouais. Marjorie qui est perplexe, qui dit ouais, Sherlock, ok. Comme quoi, il faut lui dire souvent qu'il lui reste des chances. Lui, parce que, tu sais qu'on s'inquiète. On l'aime, hein. on l'aime. Elle va parler dans un micro. Ouais, mais Onissa, elle va apprendre à parler dans un micro, ce serait bien. D'ailleurs, alors. Je voulais pour terminer, oui, vas-y, je t'en prie. Ce que je veux dire, en fait, par rapport au premier album qui s'appelait Strike, il avait atteint la 24e position des top 50 des ventes albums en France. Et ça, c'était en 2010. Et après avoir atteint la 6e place en Allemagne, en 2008. Pas étonné. Voilà. Ok. Écoute, super. Je connaissais pas du tout. Franchement, je trouve ça excellent, quoi. Ouais, voilà. Donc, non, et je te remercie pour l'idée. D'ailleurs, les baseballs. Et si ça vous dit, je ferai un truc qui rejoindra un petit peu plus ce que j'ai l'habitude d'écouter, puisque c'est un trio de jeunes anglais, ça s'appelle les Rocker Covers. Un trio de deux jeunes anglais. Oui, deux jeunes anglais. Non, c'est parce que je veux dire un trio de jeunes anglais, en fait. Ah, d'accord. Pardon, ma langue est chauffée. Comme toi, ah oui. Ma langue a chauffé. A chauffé, ouais. Je vous présente toutes mes confuses. Et donc, les Rocker Covers, c'est un jeu de mots sur leur nom, en fait, les cache-culbuteurs ou alors les reprises, les covers. Ce sera effectivement avec des reprises de morceaux qu'on connaît tous très bien, des années 80. Mais là où ils ont fixé la barre très haute, c'est qu'on, non seulement ils vont prendre, un titre. Vous allez reconnaître l'intro, même le morceau à la base, la partie audio, on va dire, musicale. Ouais. Et ils vont chanter un autre titre dessus. Ah, ça, c'est génial. Ah ouais, c'est péchu. Ça, ouais, franchement, ouais. Ah bah voilà, je vous ferai ça avec plaisir. Genre, ils vont faire The Show Must Go On sur la musique du Zizi de Pierre Paille. Je m'y attendais. Génial, voilà. Ça m'aurait été. Tu sais quoi, un de ces quatre, je me demande si je vais pas finir. On va te faire une version en anglais du Zizi de Pierre Paille. Ah, j'adorerais. À l'émission, c'est trop consensuel. Lui, un jour, dans le cadre d'une animation, un truc, on va lui passer ça. On va tailler la chambre. Moi, je vais pas te couper. Tu fais les paroles en anglais, je chante en anglais. Pas de problème. You will know all about the Zai-Zai. About the Willy, ce sera mieux. Ah, the Willy. The Zai-Zai. C'est poli. C'est très bien, ça. Bon, allez, on va faire une petite coupure musicale. On va retrouver Marjorie. Alors, elle est en train de se dire, mais elle est tombée où, là? Ah non, mais moi, je m'amuse, là, moi. J'espère bien. C'est ce que c'est un zaï-zaï, hein. C'est mon fils, justement. Donc t'as au moins su un jour ce que c'était un zaï-zaï, si t'as ton fils derrière toi. Justement, en parlant de 3 zizi, c'est comme le gars qui en a 5 et qui essaye un slip, il dit celui-là me va comme un gant. Zaï-zaï-zaï. On peut, il est 22h, les gars. Oui, c'est vrai. Non, il est 21h59, attention. Allez, Sherlock, petite coupure musicale. Oui, alors avec les Pixies et Where Is My Mind. Ouh, Frank Black. Ouais, et ensuite on va revenir juste après In Excess avec Original Sin. Oh oui. Parce que aujourd'hui, malheureusement, c'est pas aujourd'hui, mais c'était en 97, Michael Hutchence se donnait la mort. C'est vrai. En 97. Ouais. En 97. Ah oui, donc c'était pas aujourd'hui. Ah non, c'était pas aujourd'hui, mais c'était le 22 novembre. C'était le 22 novembre. C'était il y a 10 ans. Comme JFK qui est décédé également le 22 novembre. Je sais pas, il y a Napoléon aussi. Il y a Jack London, René Coty, Jack London, C.S. Lewis. Il est décédé. Ouais. Sans retrouver son chien. C'est ça, trop blanc. Et la veuve du soldat inconnu aussi qui est décédé. Ouais, je crois. Et Moshe Dayan, c'était quand déjà? Pardon ? Non, c'est rien, mets ton film. Allez, c'est parti. you might know of the original sin. And you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed? Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Et oui, donc c'était les Pixies avec Where Is My Mind, et là on vient juste d'entendre In Excess avec Original Sin. Alors tout le monde dit ah ouais, c'est White Boy, White Girl ou quelque chose comme ça. Ben non, mais il le dit dans la chanson, mais c'est pas le titre, c'est Original Sin. Absolument. Voilà. Absolument. Et vous connaissez aussi le titre Suicide Blonde. Oui. Oui. C'est pas pour toi que je dis ça. On n'a pas dit old Suicide Blonde. Non, mais vous connaissez le titre Suicide Blonde quand même, qui était qui est en hommage. Non, c'est pas Suicide Blonde, c'est Suicide Blonde. Oui, bien ça c'est mieux. Suicide Blonde. Tu t'es pas entendu le dire. Suicide Blonde. C'est ce qu'il a dit. Sérieux. Vous connaissez Suicide Blonde? Non, c'est Suicide Blonde. Marjorie, aide-moi s'il te plaît. C'est pour ça qu'il a Suicide. Suicide Blonde. Suicide Blonde. Voilà, voilà. Donc Suicide Blonde, qui était un hommage à Kylie Minogue, hein, puisque ça a quand même été sa meuf. Hein, d'accord. Ouais. Ah bon? Ah oui. Oui, oui, oui, bien sûr. Ah, hein. Et je crois même peut-être que ces histoires d'amour qui se sont mal terminées ont fait que ce pauvre chanteur s'est donné la mort. Voilà. Parce que Kylie était éminemment sympathique. Oui, oui, absolument. Et on a aussi notre Kylie à nous qui est très sympathique. Je parle pas de toi, Nissa, évidemment. Hein. Je parle de Marjorie. Marjorie Demillier qui est avec nous, qui a vraiment une actualité de fou. Alors on va revenir quand même, parce que ça c'est important, sur ce défi extrême. Mm-hmm. Donc il aura lieu donc le 19 décembre. Non, non, pas le 19. Non, le 10 et le 11 décembre. 10 et 11 décembre, voilà, ouais. Donc, ouais. Trois semaines presque pile. Ouais. Donc, je m'en irai le vendredi la veille, histoire de prendre quand même mes marques là-bas, parce que la température ne sera pas du tout pareille. Tu m'étonnes. Il fera quand même froid. Ouais. Il y aura de la neige. Ouais. Et on n'a pas beaucoup ça à Moucron, quoi. Non. Donc, enfin, on croise les doigts parce que ça arrive. Non, non, non. Il paraît qu'on aura un gros hiver. Non, non, mais ils disent ça chaque année. Donc, oui. Bah, j'ai déjà les comptes. Mais cette année, disent que c'est. Rappelle-nous un peu toutes les étapes de ce défi que, enfin, franchement. Il y a l'ascension à qui se. L'extrême sera à 2194 mètres d'altitude. Enchaîné sur du rappel sur le plus grand canyon de France, un des plus grands canyons de France, pardon. Du canyoning avec un certain saut à une certaine hauteur. Et puis, l'apnée sous la glace. Wow. Un truc de fou, ça. Va être bon, non, ça va être sympa. Je reviendrai après le défi. Tout ça enchaîné. En deux jours, ouais. Ouais, en deux au lieu de en trois. Deux jours. Ouais. Au lieu de et trois. Alors, à la clé, il y a quoi, enfin, est-ce qu'il y a un prix y a... Non, rien. On est toutes les personnes, donc les champions qui seront là présents et moi également, on est là pour soutenir l'association Rêve d'Ange, là-bas également. Mm-hmm. Donc, je porte les couleurs des associations moucronoises, c'est certain. Mais je vais porter également les couleurs de Rêve d'Ange là-bas. Donc, il y a plein de sponsors là-bas, il y aura plein de people, il y aura beaucoup de monde pour avoir un maximum de fonds également là-bas. Donc les fonds qui seront récoltés en France, ce sera pour permettre de distribuer des tablettes ludiques aux enfants hospitalisés dans toutes les cliniques de France. Pour les enfants qui sont là en long séjour, leur permettre également d'avoir une connexion hors hôpital, hors chambre d'hôpital. Ça peut être l'enseignement, ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. Ah bien. Donc Stéphane Carreto aimerait pouvoir faire ça, ou alors réaliser les souhaits des enfants qui sont vraiment pas... Non, mais c'est Stéphane Carreto, l'homme au chapeau. L'homme Al Capone. Ah bah oui, mais je connais, mais c'est vrai que j'oubliais Rêve d'Ange, c'est pour ça que je me dis, je connais très bien Stéphane. Il est beaucoup sur Rêve d'Ange, donc c'est son ASBL, c'est son association. C'est un mec très, vachement investi. Voilà, donc je vais pas lui manger, c'est son truc à lui, donc moi je participe au même titre que les champions, sans être une championne. Restons mais bien. Tu vas le devenir. Mais tu vas le non, devenir. Non, je veux rester moi. J'ai pas, je suis moi, Marjo. Tu peux être championne et moi. Enfin, toi. Non, c'est toi. Si tu viens moi, c'est. Non, chacun son truc. Si tu commences à me raser les matins, j'ai pas fini, quoi. Non, mais. On va tout savoir, là. Qui te dit que je m'épile. J'ai pas dit épiler, je te rasais. Ah. Mais tu t'es vanté. Alors, il y a important quand même de le rappeler, Marjorie, parce qu'effectivement, pour les gens qui viennent nous rejoindre et qui peut-être n'ont pas entendu le début de l'émission, on peut dire que tu as quand même une mobilité réduite. Hein, voilà. Donc c'est là qu'est le côté extraordinaire, c'est là. Voilà. Je suis paralysée complètement de la jambe droite, donc je me déplacerai uniquement par la force de mes bras et mes béquilles. À crampons. À crampons. Oui, alors on peut le voir sur Facebook, justement, sur ta page, ces fameuses béquilles à crampons qui ont été faites sur mesure, j'imagine. Mais pas du tout. En fait, je recherchais des moyens de me mettre en sécurité, moi, parce que c'est sûr, le caoutchouc sous la glace, ça craint quand même. Bien sûr. Et je me dis, si ça existe pour les chaussures, ça doit exister certainement pour les béquilles. Mais c'est un truc de fou, comment tu vas expliquer aux gens, tu dis, voilà, j'ai des béquilles et je voudrais faire l'ascension plus de 2000 mètres, un truc de fou. Mais il faut peut-être, je pense, être fou pour aimer la vie. Je pense que c'est justement des gens qui disent un jour bricoleur ou quelqu'un qui s'y connaît de dire bah oui, c'est pas con, on va faire ça, quoi. Oui, quelque part, on va vraiment faire ça. Quelqu'un qui aurait, je dis n'importe quoi, mais qui a envie de descendre, et ça existe, mais en fauteuil roulant, tout ça, tu te dis à un moment, c'est un truc de barré, ça va prendre des années, mais on peut le trouver. Les personnes en ski, enfin, qui sont paraplégiques peuvent descendre en ski. Ils ont un ski adaptable, donc moi, je ne m'entraîne même pas, quoi. Mais je veux dire, il y a toujours moyen de trouver une solution. Ouais, mais qui descendent avec ils sont sur des fauteuils, mais les trucs sont vachement adaptés. Et ils n'ont pas que des spatules. C'est adapté, c'est adapté. Ce que je retiens de ton expérience, évidemment, c'est ton optimisme, ça c'est clair. Et je trouve ça merveilleux parce que moi je vais m'en servir pour le quotidien. C'est-à-dire, je vais penser à toi à chaque fois en me disant, attends, je veux pas arrêter tes conneries. Ce que tu es en train de vivre, là, c'est rien du tout. Il y a ce côté-là. Et puis après, il y a aussi ce côté où je me dis, mais moi en étant valide, alors physiquement, peut-être pas mentalement, mais physiquement en étant valide, c'est ce genre de choses que j'arriverai pas à faire, quoi. Non, si tu commences déjà à toi te dire j'y arriverai pas, t'es foutu. T'as mis une barrière. Ouais. Il faut arrêter de se dire je peux pas, je sais pas, j'y arrive pas. Ok, change la donne, je peux le faire, j'y arriverai. Je prendrai le temps qu'il me faudra de le faire, mais j'y arriverai. On t'a pas demandé de courir un pas à la pas, step by step. Mais tu avanceras. Et finalement, quand tu te reculeras, tu me diras, finalement, j'ai fait 100 mètres. C'est pour ça que j'aime comparer la vie comme dans une bagnole. On a un petit rétroviseur, mais un grand pare-brise. Regarde la vie devant toi. Et le rétroviseur est très petit. Ouais. C'est parce que tu dois peut-être voir ce que tu as fait dans ta vie, mais voix grand. Voix grand. Non, mais le rétro de Harry, il n'y en a plus et ça vite à l'effet. Les... Ah non, mais j'aime beaucoup cette image. Ouais, c'est ouais, bon. Franchement, j'aime elle est chouette. Parce ah ouais, qu'à chaque fois que tu vas monter dans ta voiture, tu vas y penser. Ah ouais, c'est vraiment plus. C'est des petites phrases, mais qui te portent tous les jours. Et d'ailleurs, je crois que j'ai marqué Marjorie sur mon pare-brise arrière. Comme ça, quand je regarderai dans le rétro. Non, tu le verras pas, t'as plus de rétro. Et ton, ton pare-brise devant, il est fêlé. Il me correspond bien. Et tu chantes convaincu. Non, mais voilà, c'est important. Non, taquine, hein, mais c'est pour mettre un peu de. Mais non, s'il y a des sponsors, s'il y a des partenaires qui veulent, voilà, qui veulent soutenir encore le projet, moi j'aimerais offrir un maximum de pognon aux associations. Qui, voilà, je précise bien, il y a Chiara, Don d'Organe Non Duit, il y a Un Rêve, une étoile, tout est possible, il y a L'Enfant, il y a Gospel Sound Music. Et puis, il y a toi, non, qui est un beau sponsor. Et j'oublie même les miennes en fait. Oui. Voilà, c'est Chiara, donc L'Enfant, Gospel Sound Music, Un Rêve, une étoile, tout est possible, et Outy Boulder. Voilà, donc les cinq associations. Donc, s'il y a des gens qui veulent donner de l'argent, que ce soit 1 euro, 2 euros, 5 euros, qu'importe, le val se remplit et c'est la goutte d'eau qui remplit l'océan. Donc, je vais vous transmettre le numéro de compte éventuellement que vous pouvez mettre sur votre page et bien sûr. En indiquant bien la communication, défi extrême, rêve d'ange. Bah, envoie-nous en fait le support voilà qu'on puisse se mettre sur voilà. Les canaux se fera un plaisir de relayer l'information. Voilà, absolument. Si c'est pour les magasins ou les gros sponsors, on peut toujours remettre un document pour leur comptabilité parce que voilà, c'est oui, important. Oui, évidemment. Il y a toujours moyen d'avoir un document de. Bon. En tout cas, belle non mais belle aventure. Moi, au-delà de tout ça, c'est ce que j'entendais, parce que autant je déconne, mais moi je salue le geste aussi, c'est que tu te bouges le cul pour le faire. Bah, c'est important. Ouais, enfin, toi tu le dis, mais je connais plein de gens. Déjà, pour faire l'ascension, elle va se bouger un peu le cul. Non, mais moi, c'est ma façon de le dire, mais justement, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme tu dis, c'est important de le faire, mais on en connaît plein qui ont plein d'idées, qui vont jamais au bout. Et toi, tu vas te retrouver là-bas, ça t'apporte pas une notoriété, ça t'apporte pas des millions, tu le fais parce que t'as la foi, parce que t'as envie de le faire. Mais je me dis, parce non, que j'aurais cette satisfaction, je dirais personnellement, de me dire, ben, j'ai pu le faire. Ouais, non, mais c'est bien, mais je crois que c'est ce qui fait avancer. Moi, c'est ce que je respecte. L'entraînement, le truc, mais putain, c'est un investissement énorme, quoi. Mais tu sais, il n'y a rien qui arrive au hasard dans ta vie. Non, je me. Tu vois, tout est écrit. Et ce que je fais aujourd'hui pourra peut-être aider demain. Et à travers ce que je fais maintenant, tu vois, j'ai des portes qui s'ouvrent. Pour encore aider, j'ai un producteur aux États-Unis qui veut que je bosse avec lui. Donc, je partirai aux États-Unis, donc je prendrai même mon fils avec moi pour qu'il voit un peu ce que c'est. Ah, bien. Et j'offrirai une partie de l'argent que j'aurai recueilli là-bas. Dans les hôpitaux pour enfants malades aux États-Unis. Parce que c'est important de donner. Mais quand on donne, on reçoit tellement. Le partage. C'est important. Tu reçois peut-être pas des millions et des millions et des millions, mais qu'importe dans ton cœur, m'éteigne de ces richesses, de satisfaction, de dire bah, ma vie, c'est ça finalement. Tends la main à celui qui en a besoin. Aujourd'hui, toi, tu peux aider quelqu'un. Peut-être que toi, demain, tu auras besoin de quelqu'un qui te tende la main. Oui, ça, c'est clair. Et ensemble, on est plus fort. Quand tu as eu besoin, tu as eu la chance de rencontrer des gens qui étaient là. Et qui mais il a fallu le temps, tu sais, parce qu'on m'a dit à un moment, tu sais, une phrase qui m'a fait énormément mal. On m'a dit, Marjorie, tu as de la chance, tu es handicapée. Pardon ? Non, on me l'a dit. Tu as de la chance, tu es handicapée, donc tu restes chez toi et tu reçois du pognon. Oh, d'abord, c'est faux, parce que je devrais expliquer les frais médicaux que je dois donner chaque mois, parce que je suis plus à l'hôpital que chez moi. Et mon fils peut te le garantir, c'est vrai. Les médicaments, ça coûte cher. La kiné, ça coûte cher. Les opérations, ça coûte cher. Tous ces soins à côté. Il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés. Oui, en plus, et je remercie une certaine personne en particulier qui va encore réduire nos remboursements de médicaments. Oui. Donc, je ne compte pas citer une personne. Non. La grosse de bloc, là, on la salue au passage bossu. Moi, personne, je peux parce que je vois qui elle parle, évidemment. Moi aussi, j'ai eu. Pour une fois. Ouais. Non, en même temps, on ne peut pas la louper. Mais par contre, elle va faire rembourser l'anneau gastrique, je crois. Ah, quand même. Bah, elle a intérêt. Mais elle doit tester l'opération. Non, je suis méchant. Non, réaliste. Non, voilà, je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre et qu'importe la situation dans laquelle on se trouve, il y a toujours une finalité, il y a toujours un message à travers celui-là que tu donnes aux autres et que tu reçois toi. Parce que toi, tu reçois une leçon de vie. Il faut rester humble. Parce que ces gamins, c'est tous les jours qui sont dans le défi extrême. Moi, ça a duré 2 jours. Eux, c'est toute leur vie qu'ils seront comme ça. En espérant qu'ils guérissent. Et c'est ce que je souhaite. Et je prie pour ces gamins et qui sont pas encore nés. Parce que ben voilà, il y a des enfants qui sont qui doivent naître, qui sont malades. Chiara, elle s'est battue, mais comme une lionne. Et il a fallu 4 ans avant qu'elle soit greffée, cette petite. Et combien de fois on l'a dit, mais elle va pas s'en sortir. Et elle a 4 ans et elle a montré au monde entier, enfin, à des milliers de personnes. Et voilà. Que ben, quand on aime la vie, quand on croit en celle-ci, ben, rien n'est impossible. Donc voilà. Belle leçon. Belle leçon, très très belle leçon que oui, je vais retenir, croyez-moi. Quoi. Je me ferai un résumé au retour du défi. Ah bah, ah bah oui, ah bah bien sûr, tu vas venir nous revoir voilà. Sur les rotules. Non, alors, sur les... non, parce sur que ces ça deux va être compliqué, jambes. Parce qu'après les béquilles, je dois les ajouter, ouais. Ça va être compliqué. Sur les crampons. Je viendrai vous montrer les crampons. Ah bah oui, bah oui, carrément, carrément. Alors, le temps passe vite, Marjorie, malheureusement, mais non, heureusement et malheureusement, s'il passe vite, c'est parce qu'on passe un très très bon moment ensemble. Mais c'est le moment, évidemment, des sorties Cinoche de notre ami Sherlock. Il va peut-être te donner envie d'aller au Cinoche. Peut-être. Je sais pas où est-ce qu'elle va trouver le temps, sérieux. Ouais. Mais j'enverrai mes enfants au cinéma. Et ben voilà, on peut demander à Charlie, il va écouter. Il va nous donner son avis. Sherlock, il a des prix. Parce que vu les films dont il nous parle, on lui offre avec les places. 50 000 entrées à Paris. Ouais, mais ça, c'était un beau film, pour une fois que j'ai trouvé. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Ah, il t'attendait, ouais. Ouais, je pas mon Canon. Je l'attendais, mais Canon a été moins rapide que toi. Ah, merci, Canon. Donc voilà, oui, oh, effectivement. Nom de Zeus. Ah non, c'est pas là. Non, c'est pas celui-là. Nom de Zeus. Chewbacca. Tu aimes les films de Gladiator. Nom de Zeus, Chewbacca, m'attends. Alors, donc, non, effectivement, je vais vous parler donc des sorties cinéma de la semaine, donc à venir pour la Belgique et pour la France. Et je vais commencer avec la Belgique. Alors, j'ai trouvé qu'un seul, film qui pouvait être un peu intéressant, c'est Le Petit Locataire. C'est un film de Nadège Doiseau, c'est avec Karine Viard, Philippe Rebaud et Hélène Vincent. C'est sorti en France déjà depuis le 16, donc la semaine dernière. Et donc, en gros, c'est Nicole qui a 49 ans, qui est enceinte, et oui, le test est positif. Catastrophe ou bonne nouvelle, on ne saura pas, toute la famille est sans dessus-dessous, donc on va voir un petit peu comment vont réagir un petit peu tous les membres de la famille. Est-ce qu'ils vont la soutenir? Est-ce qu'ils vont lui dire au contraire? Un documentaire? Non, du tout, c'est une, 49 ans, c'est une petite comédie, ouais, c'est 49 ans. Ouais, ok. On s'attache à quoi? Voilà. C'est qu'il y a un membre de la famille qui a au moins âgé. Ouais. Ouais, ceci dit, il y a quand même une meuf de 70 ans là, qui a eu un enfant là, il y a quelques années. Ah, c'est pas, parti. Ouais. Ah, c'est son. Je crois que c'est sa deuxième grossesse qu'elle a provoquée à 68 ans et après à 70. Après, chacun fait. Ouais, mais c'est pour sa fille qui ne savait pas avoir d'enfant. Non. 70 ans, Non, celle dont on parle, elle garde. C'est un peu polémique quand même, c'est particulier. Ouais, non, c'est space quand même. Ouais. 70. Elle multiplie tous les moyens pour prouver qu'elle pourra aller jusqu'à 75, 80, avoir des enfants, mais enfin, elle fait quoi de ses gosses après? Je veux dire, à un moment, il y a un réalisme. Je sais pas, je suis pas là pour juger, je suis pas dur. Pas non plus, mais un peu Alors, ensuite, pour la France, alors on n'a pas de date encore pour la Belgique, c'est Les Cerveaux, c'est avec Zach Galifianakis. Donc c'est le barbu dans Ah oui, j'adore. le barbu dans Very Bad Trip. On sait bien que le cerveau c'est pas iconisant moi. t'es pas obligé de m'inclure dans le lot, hein, s'il te plaît. Donc c'est également avec Owen Wilson et Kristen Wiig, c'est un film de Jared Hess. Alors donc pour David, chaque jour c'est la même routine, au volant de son camion blindé, il transporte des millions de dollars qui ne lui appartiennent pas. Le seul rayon de soleil de son existence banale, c'est sa jolie collègue Kelly Campbell. Et donc c'est elle qui va l'attirer dans, on va dire, une sorte de combine un peu foireuse. Donc, qui va l'attirer dans une sorte de combine un peu foireuse. Donc en gros, il va essayer de faire le casse du camion en essayant de voler 17 millions de dollars. Ouais. Le problème, c'est que les mecs avec qui il va le faire vont tous se barrer, ils vont le laisser en plan et lui, il va tout faire pour récupérer le pognon. Voilà, donc c'est une grosse comédie. Oui, bah, avec un acteur comme lui. Oui. Ouais. Ouais, et Owen Wilson, c'est celui qui a mené fracassé là. C'est ça, ouais, qui a joué dans Shanghai Kid avec, oui. Avec Jackie Chan. Et enfin, le film Les Alliés, donc c'est avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzie Kaplan, c'est un film de Robert Zemeckis. Et c'est, ça sort également en Belgique demain. Donc ça se passe à Casablanca en 1942. Au service du contre-espionnage allié, donc l'agent Max Vatan rencontre la résistance française, donc Marianne Beauséjour. Ouais, ça fait franchement, ça fait un peu cliché les noms. Ouais, ça fait spécial, pas, ouais. Ouais, carrément, ouais. Excuse-moi. Non, mais je sais très bien. Non, t'as pas beaucoup écouté. Alors, ouais, on explique quand même pour nos amis auditeurs, c'est qu'il y a nos amis de Chiffon Rouge là qui fêtent leurs 34 ans et nous amènent donc. Enfin, ils m'amènent. Ils t'amènent avec 4 verres, excuse-moi, mais un bon petit breuvage pour fêter ça. Donc voilà, donc on a été un peu perturbé. Non, mais je sais bien. C'est pour ça que je t'ai lancé la musique. Voilà, mais je peux te dire exactement ce que tu as dit. Vas-y. Que c'était un film que tu déconseillais totalement. Non, non, pas du tout. Non, non. Alors, donc, ça se passe à Casablanca en 42, au service du contre-espionnage allié. Mais il revient en plus. Il revient en plus. Vas-y, débrouille-toi avec ton Casablanca. Voilà. Donc, au service du contre-espionnage allié, l'agent Max Vatan rencontre la résistante française Marianne Beauséjour. Ouais. Je te disais, c'est là où ça fait un peu cliché les noms en fait. Ah oui, oui. Donc, lors d'une mission à haut risque. Et donc, c'est le début d'une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait peut-être être une espionne allemande. Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu'il aime. Oh, ça, voilà. Pareil, c'est très bien écrit. Hein, c'est très bien fait. Deux sacrés acteurs. Hein. Puis, c'est quand même Robert Zemeckis qui est derrière. Donc, oui. C'est pas n'importe qui. On le connaît plus sur la comédie. Donc c'est pour ça que c'est un peu gênant. C'est lui qui est derrière Cotillard. Salopard. Alors, Marjorie, t'irais voir quoi? Bah, je pense le dernier là. Ouais, Les Alliés. Ouais, je pense. Ouais. Mm-hmm. C'est plus de ma génération, je dirais. Ah, moi, je vais en Love Seat voir Les Alliés avec Marjorie. Désolé. Ah, si, mais ça me plaît, ouais, c'est un bon, une très bonne distribution, c'est bien écrit à voir. Puis Marion Cotillard, okay, c'est une bonne actrice. Moi, j'irai voir le deuxième, là, avec... Les Cerveaux, avec Zach Galifianakis. Ouais, tu vas pas comprendre. Mais c'est rien, j'essaierai. C'est compliqué. Rien n'est impossible quand on parle. Il y a des dialogues. Mais il y a des beaux gosses aussi. Mais tu sais que Onissa a quand même l'esprit ouvert. Il est tellement ouvert que le cerveau est tombé. Mais moi, j'ai un cerveau. Pour qu'il tombe, j'en ai un, moi. C'est la seule à mettre une culotte pour pas perdre son cerveau. Alors, 4. Ouais, les Alliés. D'accord. Comme je suis passionné par la Seconde Guerre mondiale. Et puis, j'avais vu l'affiche il y a un ou deux jours en ville. Donc ça, ouais. D'accord. Ça a l'air sympa. Et Harry? Bah écoute, oui, à choisir, oui, j'irai voir Les Alliés. Ouais, j'irai voir Les Alliés. Par contre, il y a d'autres films qui vont sortir bientôt et j'irai voir Sully par exemple. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Il y en a un autre. Et ta fameuse saucisse là. Saucisse Party, c'est le 30 novembre. Saucisse Party, c'est un très bon film. On a vu dans quel état tu étais la semaine passée. Ah ouais, non, mais vraiment. C'est le fameux dans les petites loges avec un euro, c'est ça. Ah oui, c'est ça que tu connaissais bien là. Non, c'est très très bien. C'est Amsterdam. Non. Mais vous allez en entendre parler parce que c'est un dessin animé pour adultes. Ah bah oui. Mais on a vu l'état dans lequel. Pour adultes, on a dit. Bah oui, c'est pour adultes. Non, mais je pense que ça peut être très interdit moins de 12 ans. Je l'ai vu en diagonale, mais il paraît que c'est chaud patate. C'est croustillant. Voilà. Il paraît que c'est chaud patate. Et il y en a un autre, par contre. Je l'ai vu la bande-annonce en avant-première, parce que je fais partie d'un truc qui s'appelle, je sais plus quoi d'ailleurs, Médiamétrie ou j'en sais rien, pour juger les bandes-annonces. Et il y a un film avec Patrick Bruel là, qui va sortir. Sur les juifs, ça m'a l'air vachement bien. Ah bah. Bah oui, forcément, Ben Guigui, forcément. Ouais, puis, mais il m'a l'air vachement bien ce film. L'Union Sacrée, le machin, il a tout. Et ça m'a l'air d'être un super bon film aussi également, mais j'ai oublié le titre. D'accord. Voilà. Bah écoute, j'essaierai de regarder ça. Regarde. Ça doit sortir quand? Je crois que ça sort d'ici quelques mois, quoi, mais ça va être aussi un bon petit film. Eh bien, il va falloir que nous quittions. Oui. Eh ouais, il y a des moments comme ça. Quittons-nous. Eh oui, ça va très vite. Alors, le temps qu'Onissa nous parle aussi d'une... Il y a quelque chose qui te tient à cœur. Oui, en fait, moi, j'ai lu une info la semaine passée, là, et ça m'a rappelé tous mes après-midi, tous mes mercredis après-midi pendant des années. Donc, en fait, ils vont reparler de Dorothée, du club Dorothée, ici et là. Oh. Et en fait, ils vont faire... Bah, je suis désolée, moi, j'aime bien. Mais non, mais nous aussi, mais justement, nous aussi. Ah, bah, moi aussi. Bah, oui. Tu vois, tu vois tout de suite. Ils vont faire un... Non, je me braque pas. Mais non, je me braque pas. C'est ça. Commence pas. Quand je peux en placer une. Quand je te dis qu'il faut éloigner ton micro. Moi, je suis susceptible. Ah oui, tu cries fort. Hein. Donc, en fait, ils vont faire un document inédit le vendredi 2 décembre à partir de 20h sur le club RTL. Donc, ils vont nous reparler de tout. Non, mais c'est vrai. Je te tais, toi, t'es qu'une invitée. J'ai un tampon qui coule maintenant. Je suis une invitée, c'est t'es ça. Qu'une invitée, toi. Mais non, franchement, ça va être sympa. Moi, donc, le 2 décembre sur le club RTL. Ouais, club RTL à 20h. Ils vont refaire à toi un document inédit. Donc, ils vont parler. Ça peut être sympa en plus. Ah oui, des 20 années de l'émission. Avec Jackie Corbier. Ouais, voilà. Ah ouais, c'était chouette. Ouais, les musclés, ils sont de moins maintenant. Simpson Jones. Ouais, Patrick Simpson Jones, ouais, lui, ah oui. Il est reparti aux États-Unis. Ah oui, exact, Patrick Simpson Jones. Qui construit des bateaux maintenant. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ah ouais. Mais bon, allez, je trouvais ça super. Ouais, allez, ça te rappelle des super. Ça change de début d'été qu'il y a de maintenant, quoi. Donc c'est le 2 décembre. Le 2 décembre, oui, sur le Club RTL, bien sûr. C'est une, quelqu'un peut l'enregistrer, parce que le 2 décembre, je ne peux pas. Mais à mon avis, c'est une rediff, quand même. C'est une rediff. Il y a une émission qui existe déjà, elle n'est pas inédite. Mais ouais, elle est peut-être passée en France. Ouais, elle est passée en France. Oui, vraiment. Je pense qu'elle est passée en France déjà. Oui, oui. Bah écoute, moi j'étais emballé. Ah ouais, non, mais c'est même une très belle émission. Alors, si, ouais, quand même. Il me reste aussi également donc une minute pour vous rappeler qu'il y aura l'élection donc de Miss Waterloo hein, ce samedi soir, oui. Hein, voilà, au CSE à Waterloo. Donc, tu ne seras pas là, Marjorie, elle évidemment. Est en tournée, et, ouais. Et donc, on aura le plaisir, enfin, c'est une sorte de partenariat quand même avec l'émission. J'aurai le plaisir donc de présenter les candidates avec Denis, donc les différentes candidates à l'élection. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Surtout le côté maillot de bain, j'aime bien. Ah, il tient ce maillot de bain. Ça, j'aime bien. Donc, bon, allez, pour l'info, hein, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous allez sur Facebook, hein, vous tapez Miss Waterloo. Il reste encore quelques places et pas beaucoup, parce que ça marche bien. Ouais, ça tombe bien. C'est samedi, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, avec super animateur Harry et Denis. Super, je sais pas, mais animateur. Bah, disons que tu seras super jusqu'au moment des maillots, parce que là, je pense que ça va être silence radio. Bah après, je crois qu'on va glisser. Il y aura tellement de baves sur scène. Il y aura tellement de baves sur scène que je crois qu'après, ça va jamais plus passer. T'as jamais vu Harry torse nu en maillot présenter les Miss en maillot? Je vous imagine tous les deux avec sa banane, avec sa bouée canard. Vous mettez, vous savez, les anciens, ce qu'on mettait à l'ailleurs, ça serait excellent. Des canotiers, c'est ça? Oui, des canotiers. Ça serait à faire quand même. Mais c'est un grand moment, ça. Vous devriez vous pointer tous les deux en canotier, ça serait marrant. Bah, toi, t'aurais moins l'air bête que lui, mais. C'est pas prévu. Avec sa banane. Bon, allez. Et ben, on rappelle que nous étions donc avec Marjorie, Marjorie de Mullier, qui relève alors deux défis. Alors il y en a un qui est on va lui dire un peu plus simple, puisqu'en fait son défi c'est tout simplement de faire partie d'un groupe de Godspell, et vous pouvez la retrouver un peu partout. Si vous voulez plus d'informations, il y a des infos sur internet. Il y a le site Godspell for Life sur internet. Donc, ouais. Et puis ben voilà, il y a surtout l'artiste Gaëlle Loré avec qui je bosse, et puis ben. J'ai vraiment envie de l'appuyer. De toute façon, elle viendra bientôt vous voir. Donc, avec plaisir. Gospel, jazz, soul. Donc, elle a vraiment une pêche mais énorme. Et puis ben, voilà, Gospel for Life, mais surtout le défi extrême pour les gamins. Et le défi extrême, surtout ça. Alors avec, je le rappelle, donc, l'ascension plus de 2000 mètres. Du côté d'Andorre. Ensuite, il va y avoir une descente en rappel. Ensuite, il va y avoir du canyoning. Et de l'apnée sous glace. Ouais. Alors ça, c'est un truc de fou. Bon, ça va être sympa. Mais au bout de 20 minutes, si je peux remonter, d'abord, c'est que j'ai gagné le défi, mais c'est que ça craint. Si au bout de 20 minutes, t'es encore sous l'eau, excuse-moi, mais je m'inquiéterai un peu. Elle est congée. Elle a gagné. Ouais, elle a gagné. Et Marc Mayol. Moi, ça fait 20 ans, je suis toujours Jacques sous l'eau. Ouais. Non, mais voilà. Ouais, toi, c'est 20 ans que t'es sous l'eau. Je suis sous l'eau. Je vous raconterai tout ça. Bien sûr. Et tu vas nous tenir au courant, évidemment, au fur et à mesure, via ta page Facebook. Et puis, et puis tu viendras nous raconter ça à ton retour l'année prochaine, pour le coup, hein, puisqu'on va vite arriver au mois de janvier. Ben, comme tu veux, ou après le défi, ou avant, c'est comme tu veux en fait. C'est comme nous, dès le lendemain. Je viens le 12, donc je viendrai vous voir le 13. Ah, ouf, tu serais capable. Bien sûr. Oui. Ah, bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. On prend rendez-vous. C'est impossible qu'il écroule. Et elle nous racontera tout ça. Lui, c'est. On va regarder l'agenda parce que je suis pas certain que le 13 et tout ça, toi, tu t'avances. Ah, oui, bien sûr. Logiquement, si c'est possible, ça sera bien. C'est vrai que le 13, Flipkat nous a promis de nous apporter les forbans. Ça m'étonnerait. Bébert et son orchestre. Bah, j'adorerais n'empêcher d'avoir. Il serait là, bien sûr. Ah, ouais. Il et Philippe 4, il serait pas là, par contre. Je sais pas pourquoi, mais. Bah, si, moi aussi. Il y aurait une urgence. Attends, sérieux. Mais je trouvais ça génial, en plus. Pendre jamais d'excuses. Bah, en plus, c'est des invités. Je sais pas, les forbans seraient là. Moi, j'adorerais. J'adorerais. Complètement. Quel que soit le groupe, tu vois, Corbier, machin, on disait des trucs, les machins, Jackie, le truc. Ah, mais Corbier est déjà venu deux fois. Ah oui, excellent. Dorothée, j'adorerais aussi. Bien sûr. Ah, bah, ouais, mais par contre, ça sera un peu plus compliqué. Ouais. Bon, allez, c'est Jean. On va se quitter là-dessus, sur ces belles paroles. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Bonne soirée à vous. Moi, j'ai envie de demander à Marjorie de nous donner le mot de la fin, parce que ça va nous donner des ondes positives. Je dirais, enfin, la phrase qui me tient à cœur, c'est sûr, rien n'est impossible, mais tout le monde, je pense, maintenant la connaître. Mais je dirais que, qu'importe la longueur du tunnel dans lequel tu trouves, la lumière brille. Ouais. C'est beau. Eh bien, écoutez, Harry aller vers la lumière. Il va falloir évangéliser Harry, je crois que ça lui fait du bien. Ah ouais, ça me fait du bien. Ah ouais, mais franchement, ouais, ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien. Et la voiture avec le pare-brise et le. Ouais. Ça, ça Par contre, si tu peux planquer le van de Metz. T'inquiète, t'as pas besoin de van. Bon, eh bien, on va se quitter là-dessus avec une dernière chanson de Queen, Who Wants to Live Forever. Justement, pour s'élever encore un peu plus. T'as vu ça? Elle est d'une complexité vocale, cette chanson. Ça ne paraît pas. C'est une complexité monstrueuse. Et quant à nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Même heure, même antenne. Restez à l'écoute donc, de RQC. Maintenant, vous aurez le meilleur d'Hector. Oui. Voilà. Moi, je ne serai peut-être pas là. Je viendrai peut-être vers 21h parce que je trouve ça bien. Mercredi prochain. C'est plus cool. Mercredi prochain. Ouais. Mercredi prochain vers 21h. Ça marche on a décalé l'émission. On en le fait le mercredi. Je trouve ça bien. Allez, c'est parti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? Chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us.